Est-ce que vous aussi, vous avez une ambition particulière qui vous a poussé à partir de chez vous? Ben ouais, moi un jour je serai le roi des pirates. Aizoku-oni. La nuit manga. La nuit manga. Frédéric Sigrist sur France Inter. Si je pouvais écrire une lettre à l'adolescent de 14 ans que j'étais, voilà ce que je lui dirais. Salut mon Fred, c'est toi-même 30 ans plus tard qui t'écris. Bon, pose pas trop de questions sur le futur, hein. Juste une chose, ne t'attache pas trop aux cabines téléphoniques et à tes cassettes VHS. Si je me souviens bien, à cette époque, tu enrages car tu viens de découvrir que le CSA censure comme des cochons tes épisodes de Dragon Ball Z ou des Chevaliers du Zodiaque que tu regardes dans le club Dorothée. Tout un pan des adultes décideurs de ton époque trouve ces dessins animés trop violents. Oui, les mêmes qui sont heureux de te faire lire l'Iliade où le guerrier Achille traîne le cadavre d'Hector derrière son char devant les murailles de Troie. Ceux-là même qui t'ont abreuvé des contes de Grimm où des parents tentent d'abandonner leurs enfants dans la forêt ou des loups dévorent des jeunes filles. Ceux-là même qui te balancent des images de la guerre du Golfe au JT à l'heure du déjeuner. Oui, ces adultes-là, vois-tu, sont choqués par le combat de Goku contre Piccolo Daimao au Tenkaichi Budokai ou Seiyar qui traverse les maisons des Chevaliers d'Or pour sauver Athéna. Alors je sais qu'à l'heure qu'il est, tu as le seum. Dans le futur, seum, c'est un mot que les cadras comme moi utiliseront pour leur donner l'air d'avoir ton âge. Tu es à un âge où tu es convaincu que les adultes ne te comprennent pas. Tu n'en peux plus de les entendre parler de vous comme d'une génération sida, une génération chômage. Alors rassure-toi, dans 30 ans, on continuera de parler de la jeunesse de la même manière, en pire. Pourtant, il y aura un changement. Une surprise qui me fait écrire par-delà le temps. France Inter. Oui, France Inter, la radio de tes profs, va te demander d'animer pendant 3 heures une soirée manga. Alors je sais bien qu'à l'heure qu'il est pour toi, Télérama parle encore de japonaiserie. Akira est sorti de manière confidentielle sur les grands écrans. Mais dans 30 ans, tout aura changé. Les mangas seront les livres les plus vendus du monde de l'édition. Des fans plus jeunes que toi auront créé des chaînes sur Internet. Internet, c'est comme un Minitel, mais plus rapide. Dédié aux animés et aux mangas. Et dans 30 ans, tu seras sur le service public, entouré de passionnés pendant toute une soirée pour célébrer l'amour que tu as pour ce type de récit. Alors bien sûr, je te connais, tu vas râler. Tu vas avoir l'impression d'être récupéré par le système, de voir les médias généralistes s'intéresser à ce phénomène 30 ans trop tard. Mais j'ai envie de te dire, Frédéric, calme-toi. Kiffe ! En 2021, tu auras largement l'occasion de râler sur tout. Tu auras ta ration de haine H24 sur tous les plateaux de télé, toutes les stations de radio, tous les jours. Donc le mercredi 8 décembre, je te demande juste de kiffer en entendant des fans parler de ce qu'ils aiment. Voilà, souris maintenant. Et PS, arrête de te décolorer les cheveux à la Dennis Rodman. À force de les maltraiter, ils finiront par te quitter. Bisous Fred. Tommy, Meise, Chikara. この世のすべてを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海へ駆り立てた。 俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ！この世のすべてをそこに置いてきた。 男たちはグランドラインを目指し、夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。 ありつけの夢を。 Avant de démarrer cette nuit consacrée à ce phénomène de société qui est devenu le manga, car n'en déplaise, oui, c'est un phénomène, hein. Si vous en lisez, vous avez forcément dû sentir la différence ces derniers mois entre le succès de certains films d'animation au cinéma, l'effet énorme du pass culture sur les ventes en librairie, le manga est un phénomène. Et si vous n'en lisez pas, bah peut-être que vous comprendrez après cette soirée tout ce que la jeunesse, mais pas que, peut trouver dans ce type de récit. Alors je vous rappelle le numéro du standard 01 45 24 7000. On a déjà de nombreux appels, mais n'hésitez pas, si vous êtes fan de manga, de One Piece ou d'animé de manière générale, et vous voulez partager ça avec nous, eh bien c'est ce numéro, c'est ce soir, je rappelle, 01 45 24 7000. Aujourd'hui, One Piece, c'est la locomotive du manga mondial qui vient de sortir son 100e tome. Le 1000e épisode a été diffusé il y a 15 jours. Benoît Huot, vous êtes responsable des éditions Glénat. Ça représente quoi, One Piece, en termes d'édition ? One Piece en termes d'édition, ça représente un phénomène. C'est-à-dire que déjà, une série qui dure depuis plus de 25 ans avec un succès aussi indéniable, c'est extrêmement rare. Et en fait, je dirais en tant qu'éditeur, on est fier de participer à cette aventure parce que ce n'est pas tous les jours que justement on peut avoir une série aussi emblématique. accessible au lectorat. Après, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que justement One Piece étant aussi la locomotive du manga, on se sent d'autant plus une responsabilité éditoriale, et c'est un titre auquel on fait bien évidemment particulièrement attention, surtout que c'est un titre qui est complexe, puisque bien évidemment Eiichiro Oda fait énormément de flashbacks et de clins d'œil et de références, et donc on est toujours obligé justement de s'y rendre. Alors je sais que c'est une soirée de fans, et je sais que tout le monde connaît de près ou de loin l'histoire de One Piece, mais peut-être qu'il y a des auditeurs qui, eux, ne savent pas. Donc ça parle de quoi, One Piece ? Alors, One Piece, c'est un manga de pirates qui suit l'histoire de Luffy, qui veut devenir le roi des pirates. Pour devenir le roi des pirates, il part en quête d'un trésor dont on ne connaît pas la nature, qui s'appelle le One Piece. Et toute la problématique de Luffy, c'est qu'en fait, il a mangé un fruit du démon, donc qui le rend élastique, qui le rend caoutchouteux. Et donc, il part en quête de ce One Piece. Sauf et qui l'empêche de nager. Et voilà. Et la problématique, c'est qu'en fait, il veut devenir le roi des pirates, alors que du coup, son pire ennemi, c'est l'eau de mer. Donc, il part à bord de la chaloupe pour un très grand voyage, et il se met en quête pour justement, dans un premier temps, récupérer un équipage, parce que affronter les mers tout seul, c'est assez difficile, et au fur et à mesure, justement, il apprendra comment, peu à peu, se diriger vers le One Piece pour le découvrir. Alors, on logiquement, au standard, on a un premier appel, j'écoute, qui est en ligne. Bonsoir. Bonjour. Ah, c'est une jeune voix. Comment t'appelles-tu ? Moi, je m'appelle Elliot. Elliot, eh bien voilà. Alors, Elliot, explique-nous, qu'est-ce que tu aimes dans One Piece ? Eh bien, ce que j'aime dans One Piece, c'est déjà la liberté énorme que prend l'auteur à dévoiler son histoire au fur et à mesure, et en même temps, la liberté qu'ont les personnages par rapport au monde d'aujourd'hui. On est tantôt confinés, tantôt on a des masques, tout ça. Ah donc en fait c'est la liberté que tu trouves dans ce manga que tu trouves intéressante par rapport au côté coercitif un peu prisonnier de la vie de tous les jours. Oui, c'est ça. Bon bah voilà, Elliot il a tout dit, fin de l'émission. Merci. Ah, il y a Lulu qui veut intervenir. Lulu qui est la modératrice de Pastèque, qui a eu la gentillesse de nous rejoindre parce que nous non plus on connaît pas. Exactement. Alors on aimerait bien un tour de table des présentations. Fred. Alors, ça va être fait au fur et à mesure des prises de parole, parce D'accord. que si jamais je le fais dès le début, comme ça, on va se prendre 15 minutes avant de rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je pense qu'il vaut mieux y aller progressivement. Voilà, on a entendu Benoît Huot, responsable éditorial chez Glénat. Là, on entend Elliot, fan de One Piece. Et je ferai, ne vous inquiétez pas, la présentation, tout le monde aura son quart d'heure warolien. N'ayez crainte. Très bien. Donc, Elliot, est-ce que tu as lu les 100 tomes parus en France de One Piece ? On l'a perdu ? 98e tome, mais il me tarde de lire le 99 et le 100e. Il te tarde ? Mais qui sont ses parents ? Mais il est trop mignon. Il te tarde. Et donc, est-ce que c'est soumis à condition ? Genre, est-ce que si tu as des bons résultats, tu pourras lire le One Piece Oh non, ils sont plutôt gentils, ça va. D'accord, d'accord. Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'à cette heure-ci, t'es encore debout ? Parce qu'ils sont un peu trop irresponsables parfois. Bon, ben c'est parfait. Merci pour tout, Elliot. Merci d'avoir appelé et ravi que tu aies ouvert cette soirée One Piece. On t'embrasse. De rien. Au revoir. Au revoir. Voilà, tout le monde fait au revoir comme ça, c'est bon, après c'est l'école des fans. Au revoir Elliot. Au revoir. Et c'est vrai que le petit Elliot l'a parlé de la notion de liberté dans One Piece. Là, je vous pose la question de manière collégiale. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a le plus plu, ou plu tout simplement, dans One Piece quand vous l'avez découvert ? Ce qui me donnera aussi l'occasion de vous présenter. Bah, en fait. Alors, voilà. Présentation. Présentation. voilà. Gaspard Leclerc, qui a une chaîne sur Instagram. Exactement. Qui s'appelle Clap Clap, où il y a des critiques de séries, de films, de qualité. En ce moment, il y a un principe de un ticket, un souvenir. C'est-à-dire qu'il y a une grosse boîte avec truffée de tickets de cinéma. Et vous piochez comme ça au hasard et vous parlez de ce que ça vous évoque, soit avec pertinence, avec humour, c'est exactement. Très en fait, je me suis rendu compte que j'avais gardé tous mes tickets de ciné depuis 2004. Ce qui en fait pas mal, à peu près un ciné par semaine. Donc j'ai 35 ans. Voilà. On sent l'intermittent du spectacle quand même. Ouais, un petit peu. Et donc j'ai effectivement d'un côté ce côté. Alors t'as dit critique, mais je dirais plutôt média positif. Je parle que de ce que j'aime, donc ciné, animé, etc. En petite pastille vidéo. Et à côté de ça, effectivement, je pioche tous les matins au hasard un ticket parmi les 500 de la boîte. Et de temps en temps, je tombe sur un film génial. Et de temps en temps, je tombe sur un truc dont j'ai plus aucune idée. Et voilà, tous les jours, c'est différent. Et donc, One Piece. Et donc, voilà. Non, parce que One Piece, je sais que ça occupe une place spécifique pour vous. Ouais. Alors, on se voit ou... Non, vous pouvez me tutoyer, parce que il est évident qu'on se connaît en dehors. Mais c'est les conventions de la radio. Moi, je suis un autre, donc je vous vouvoie. Bon, alors, je vais essayer de vous voir. Vas-y, tutoie-moi. Allez, je te tutoie. Non, en fait, tu parlais de liberté de la manière la plus simple. Nous, on aime cette liberté parce que peut-être c'est aussi la quête de ce héros. Et alors, au début, effectivement, on part à la recherche simplement d'un trésor. Il y a un truc en surface, comme dans tous les shonen et tous les grands films, Star Wars, machin, où... On part à la recherche d'un objet, de quelque chose. Je précise juste aux auditeurs, parce que voilà, que le shonen, c'est un type de manga plus spécifiquement destiné aux jeunes garçons. Voilà, exactement. Et qui reprend les codes de plein de grands films hollywoodiens qu'on connaît depuis les années 70 au moins. Et en fait, la quête du héros est avant tout peut-être une quête de liberté. Donc c'est probablement pour ça que là, que ce soit Elliot ou nous tous ici, cette sorte de mise en abîme dans l'œuvre... Ce que lui recherche, c'est probablement ce que nous, on recherche aussi en tant que fans. C'est littéralement son... Jérémy. Alors, oui. Jérémy, présentez-vous. Bonjour. Moi, je m'appelle Jérémy. Je suis chroniqueur pour le podcast Hyperlink. On parle de pop culture, de séries, de films, de mangas, d'animés, de plein de trucs cool. Et très, très, très, très bonne chaîne. Je conseille. Merci beaucoup. Et tu m'avais proposé d'être invité sur Blockbuster. Okay, et donc tout le monde me tutoie, très bien, il n'y a pas de souci. Non mais disons-le. C'est ce qu'on disait, Luffy c'est le garçon qui rêve de devenir l'homme le plus libre du monde. Donc c'est pour ça qu'il veut devenir le roi des pirates, parce qu'il n'y a personne d'autre qui pourra être plus libre que le roi des pirates. Et c'est dans cette quête de liberté, c'est même pour ça qu'il affronte le gouvernement mondial, les marines, qui eux... empêche cette liberté. Oui, parce que c'est ça qu'il faut préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu énormément d'articles sur One Piece, le manga le plus vendu, un succès d'édition, mais il faut quand même bien rappeler que pour Luffy, l'ennemi, son adversaire, c'est le gouvernement mondial, et effectivement qu'il aspire à un univers de liberté totale, d'abolition des frontières. C'est même pas forcément le gouvernement mondial, c'est n'importe qui ou quoi qui... Qui veut restreindre sa liberté, et si il lui arrive par hasard de tomber sur une île ou sur un peuple qui est un peu opprimé, il va les aider, pas forcément par bonté d'âme, par altruisme, mais juste parce que pour lui, ce qui est le plus important, c'est la liberté, et c'est la liberté de toutes et de tous, et s'il y a la moindre chose qui va entraver cette liberté, il faut libérer tous. Benoît Huot, est-ce que je dirais que cette aspiration à la liberté, c'est vraiment quelque chose qui est venu dès le début de l'histoire, ou c'est plutôt au fur et à mesure que Eiichiro Oda, parce que ça fait quand même 24 ans, et il faut quand même qu'on se rende compte qu'on est en train de parler d'un auteur qui est dans son petit studio avec ses assistants, qui depuis 24 ans mais bosse comme un damné pour fournir un chapitre chaque semaine. Il s'est marié, il a des enfants, il a l'autorisation de les voir dans son studio un petit peu quelques heures de la semaine. Mais donc même si nous aujourd'hui en France on parle de ce manga fleuve, lui à la limite il en a presque entendu parler de loin en lui disant, tu sais, ça cartonne un peu mondialement ton truc. Et, oui, mais va dessiner quand même, il prend pas la grosse tête. Il y a cet aspect-là quand même. Oui, effectivement, il y a cet aspect parce que comme il publie dans le Weekly Shonen Jump, donc magazine de prépublication shonen, et qui doit rendre un chapitre de 17 pages toutes les semaines, il faut vraiment pour le coup cravacher. Il s'astreint à ce rythme faramineux. Après, ce qu'il faut voir au niveau de la liberté dans le développement de la saga, c'est que One Piece a commencé, il connaissait déjà la fin, mais c'est pas pour autant que forcément il l'a révélé. En fait, l'histoire s'est développée au fur et à mesure du succès du magazine, puisqu'en fait, dans le Weekly Shonen Jump, vous avez tout simplement des questionnaires à la fin où en fait les lecteurs votent pour la série. Et si vous vous retrouvez, on va dire, dans le bas du classement trop longtemps, vous avez des réunions entre les mangakas et l'éditeur pour dire qu'est-ce qu'on fait pour inverser la vapeur. Et si vous n'inversez pas la vapeur, votre série se clôture prématurément. Et donc, ce qu'on constate, c'est que justement au niveau de One Piece, ce dogme de la liberté. On le perçoit dès le départ, à partir du moment où Luffy prend la mer, prend sa chaloupe pour quitter son île, c'est l'image même, on va dire, des marins. C'est-à-dire que les marins qui prennent un navire, c'est justement parce qu'ils n'en peuvent plus d'être à terre et qu'ils veulent goûter à la liberté. Mais la manière dont justement ça a été mis en scène et, on va dire, précisé par Oda avec l'idée selon laquelle pour qui Luffy, le roi des pirates, c'est l'homme le plus libre du monde, ça arrive beaucoup plus tard, ça arrive dans les tomes 40 à 50. Donc, mais c'est juste qu'effectivement, Luffy a grandi, a évolué, a été confronté aussi à des situations justement où ses compagnons étaient entravés par justement par d'autres personnes ou par des contraintes extérieures. Et c'est en ça que justement il a peu à peu formalisé justement cette liberté qui était intrinsèque à lui dès le départ. Et alors en ligne, on a Gaëtan. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. Alors Gaëtan, j'imagine que si vous appelez, c'est que vous êtes un amateur de manga. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes amateur de One Piece? Oui, tout à fait. Complètement fan. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qui vous a plu ou qu'est-ce qui vous plaît dans One Piece? Ben en fait, One Piece, c'est l'aventure de Luffy. C'est un pirate. En fait, moi, j'ai découvert ça quand j'étais petit. On découvre Luffy et il part à l'aventure et tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Il rencontre plein de personnages incroyables, Zoro, tout l'équipage, forme son équipage et en fait, ça transmet des valeurs d'amitié, de tout ça. Et puis, c'est l'aspect nakama dans One Piece qui vous a plu. Nakama, oui, c'est ça. Les Uigura. Et est-ce que c'est un modèle à suivre? Est-ce que vous aussi, autour de vous, vous avez créé comme ça une sorte de collectif de nakama? Ou est-ce que c'est il y a une forme de transfert? Vous vivez avec l'équipage des Mugiwara? Non, après c'est une œuvre qu'on lit et on voyage quand on le lit ou quand on le regarde en animé. Mais après c'est... Vous avez commencé à le lire il y a combien de temps? Il y a presque 20 ans. J'ai 28 ans. Ah oui, donc 28 ans? Oui. 28 ans. Vous avez commencé avant qu'il commence à le faire? Ah, il a commencé à 8 ans. Il a commencé à lire, il avait 8 ans. D'accord, ok. Il y a le responsable Glénat qui comprend mieux que moi. Ce que là, je suis en train de me dire. Waouh, le mec, Gaëtan, il est trop en avance sur son temps. Je voulais juste une petite précision, parce qu'en fait, je pense que les auditeurs connaissent pas. Qu'est-ce que c'est, les Nakama, les Mugiwara? Oui. Eh bien, allez-y, Benoît. Alors, je voulais plutôt poser ma question de faux béotien de sorte que quelqu'un puisse l'expliquer mieux que moi. Alors, c'est très simple. Il y a Aurélien, présentez-vous s'il vous plaît. Alors moi, c'est Aurélien, je suis responsable éditorial de ADN, donc la plateforme qui diffuse One Piece en France. Voilà, pour résumer. Et un Nakama, en fait, ce sont les camarades, tout simplement, les compagnons de route du personnage principal, puisque c'est le mot japonais qui veut dire camarade, compagnon, et Mugiwara. Ça veut dire, en fait, c'est le surnom japonais du personnage principal, puisque Mugiwara, ça veut dire chapeau de paille. Et donc, c'est Luffy au chapeau de paille, en japonais, Mugiwara no Luffy, voilà. Merci Aurélien, je comprends pourquoi tous les mois je vous laisse un abonnement comme ça, responsable d'ADN. Et Gaëtan, vous avez déjà le tome 100 en votre possession? Oui, le tome 100 collector, oui. Et alors, est-ce que vous commencez déjà à échafauder des pistes sur ce que pourrait être le One Piece? Ah ben ça, c'est la grande question. C'est la grande question qu'on se pose tous. Et oui, on a tous nos théories. Mais après, voilà, c'est Oda, il est tellement imprévisible. Et vous suivez d'autres mangas aussi, ou c'est vraiment One Piece qui a l'exclusivité de votre amour? Oh bah, One Piece, c'est clairement pour moi au-dessus de tous les autres mangas. Mais après, j'adore beaucoup d'autres mangas. C'est très riche l'univers des mangas. Je vous remercie, Gaëtan. Ah bah avec grand plaisir, merci à vous. Merci, merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Alexis Orsini, vous avez écrit un livre entier sur One Piece que vous avez devant vous aux éditions Pix & Love. Parlez-nous un petit peu de Eiichiro Oda, cet homme dont on sait finalement beaucoup de choses et en même temps, bah, rien. C'est ça. Du coup, Eiichiro Oda, c'est un auteur qui, très jeune, a su qu'il voulait devenir mangaka. Dès l'âge de 4 ans, il s'est dit, lui-même en lisant des mangas, et c'est super, en fait, on peut gagner sa vie en dessinant. J'ai décidé, je vais faire ça. Et du coup, dès cet âge-là, il a commencé à dessiner constamment. Il a eu assez vite l'idée de raconter une histoire sur des pirates dès le collège. Donc, juste pour le contexte, il est né dans les années 70. Il a grandi vraiment sous l'influence de Dragon Ball, qui était le grand manga des années 80. Et il dit que l'auteur Dragon Ball, Toriyama, est son dieu vivant. Et du coup, il était obsédé par l'idée justement d'être publié dans le Weekly Shonen Jump à son tour. Et il a pas mal galéré, comme beaucoup de débutants, enfin d'auteurs qui débutent, pour être publié. Parce que justement, autant son dessin était déjà... Enfin, il a un style particulier, son dessin était déjà assez pointu, mais pour le coup, il avait un peu de mal sur ses scénarios. Il écrivait pas mal d'histoires courtes et son assistant, donc son Tonto, qui est une sorte d'éditeur qui le coach un peu pour qu'il perce, lui disait qu'en gros, il travaillait pas assez ses histoires, ses personnages. Et donc lui, un peu têtu, il débarquait souvent, donc très jeune, vers 19-20 ans, à la rédaction du Shonen Jump à Tokyo, en disant « C'est quoi votre problème ? Publiez-moi, etc. » Vous voyez pas. Ah, il avait un petit peu l'arrogance des débuts. Voilà, la fougue de la jeunesse, on va dire. C'est joliment dit. Hein. De fil en aiguille. Il s'est quand même découragé un moment. Après, il a remis des bouchées doubles. Et en fait, il a eu l'occasion de publier deux one-shots successifs, donc deux chapitres uniques qui posaient les bases de l'univers de One Piece. Donc deux one-shots qui s'appellent Romance Dawn, dans la première version qui est assez fidèle en fait au premier chapitre de One Piece tel qu'on le connaît aujourd'hui. La seconde qui était assez différente, parce qu'il était question, l'ennemi principal c'était un sorcier, il y avait des pouvoirs magiques qui ne dépendaient pas des fruits du démon. Et à peu près un an après, il a fini par convaincre le Weekly Shonen Jump de donner sa chance à One Piece pour en faire une série longue, sachant donc que le rédacteur en chef de l'époque trouvait qu'un héros, enfin une série dont le héros est un homme au pouvoir élastique, c'était pas assez sexy ou en tout cas assez important pour faire l'objet d'une série. Mais c'est finalement parce qu'il y a eu plein de réunions éditoriales et de débats autour de la série qu'il s'est dit, bah, en fait, une série qui fait débat comme ça, qui divise, ça a plus de potentiel qu'une série où tout le monde serait d'accord en se disant, allez, lançons là. Et donc, il a pu lancer One Piece à l'été 97 dans le Shonen Jump, qui a été un succès important dès le début. Et depuis, donc... Il dessine. Voilà, tout le temps. et depuis, on lui parle du monde extérieur, comme ça, en lui envoyant des fax. Voilà, en ce moment, il y a une pandémie mondiale. Bah, il explique d'ailleurs que le seul moment où il pense pas à One Piece, c'est quand il dort et qu'il tient à préserver ça, parce que sinon, il deviendra un peu maboule. Alors, on a Pablo au téléphone. Bonsoir, Pablo. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous, Pablo ? J'ai 10 ans. 10 ans, 10 ans. Et alors, bon, vous êtes fan de One Piece ? Oui, j'adore One Piece. Vous les lisez depuis combien de temps ? Depuis avril dernier. Avril dernier, donc vous en êtes où ? Avril de l'année dernière. D'accord. Et vous en êtes où ? À quel chapitre ? À quel tome ? Là, j'en suis au tome 53. Oui. Et j'adore l'univers de One Piece. J'aime beaucoup tous les pouvoirs qu'ils ont, toutes les choses un peu fantaisiques. D'accord, fantaisiques. Oui. C'est la fusion de fantastique et fantasy, en fait, c'est ça. Oui. C'est fantaisique. Oui, j'aime bien, je valide. Ça m'inspire aussi beaucoup parce que je fais beaucoup de dessins chez moi et des fois quand je regarde des One Piece et quand je lis mes One Piece et ça m'inspire beaucoup. Oui. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans One Piece, cet univers fantaisique avec plein de pouvoirs et tous ces dessins dans One Piece. Et donc c'est vraiment juste l'aspect surnaturel de ces personnages qui vous plaît, ou est-ce qu'il y a aussi le côté de l'amitié de l'équipage, les méchants charismatiques, les moments d'émotion intense des fois qu'il peut y avoir ? Bah oui, il y a souvent des fois il y a des moments notamment dans plusieurs tomes, il y a des moments qui sont émouvants et ça c'est enfin ce manga, il est fabuleux et là j'en suis au tome 53, j'ai pas encore terminé, il me reste encore plein de choses à découvrir. Et alors, est-ce qu'il y a un moment particulier qui vous a ému et dont vous voulez un petit peu nous parler et partager avec les auditeurs? Oui. Il y a un moment qui m'a ému, c'est quand ils ont brûlé le Vogue Mairie. Ah oui. Là, il y a plein de gens autour de la table. Tu vas nous faire pleurer. C'est partagé. Quand il brûle le Vogue Mairie, j'ai été vraiment ému. Oui, je m'en souviens aussi. Et quel est le rapport de tes parents? Excusez-moi, je vous ai tutoyé. Décidément, c'est la soirée. Quel est le rapport de vos parents à cette passion? Est-ce que eux, ils la partagent aussi? Ou est-ce qu'à chaque fois que vous vous retrouvez dans une librairie, ils disent « Oh non, pas encore tes machins !» C'est ni l'un ni l'autre. Ils m'autorisent à lire les One Piece. Mais sans abus non plus. C'est pas ce que je lis tout le temps, en permanence. D'accord. Mais ils sont pas. Enfin, ils m'interdisent pas de les lire. Ok. Ok. Alors, en même temps, je vois sur le chat, parce que l'émission est retransmise en même temps sur Twitch, je vois des gens qui font « Oh, mais vous êtes en train de divulgâcher, de spoiler l'histoire de One Piece ». Alors, je vous préviens d'ores et déjà, ça va arriver encore. Et encore, parce qu'on est à 100 tomes, plus de 1000 épisodes diffusés à la télévision, 24 ans d'existence, il est possible qu'on soit tous un petit peu plus loin que vous si vous n'avez jamais lu One Piece, donc ça arrivera et je le défends. Ensuite, il y a des gens qui me voient à l'image et qui disent « mais il a le masque d'Hannibal Lecter sous son masque, c'est normal ». Ou de Bane, c'est normal, c'est parce que j'ai une coque pour éviter de manger mon masque pendant 3 heures, parce que si vous parliez dans un micro avec un masque pour respecter les gestes barrières, vous sauriez qu'au bout d'un moment, le goût du masque, c'est pas forcément le repas dont on rêve un mercredi soir, même si on anime une nuit manga. Voilà, vous savez tout. Pablo, est-ce que oui. Toi, dans ton école, on t'a déjà un petit peu gâché la suite ou est-ce que tu es totalement, mais absolument inconscient de ce qui va arriver dans l'histoire? Je sais ce qui va se passer un peu à la fin, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont environ à la fin, mais des tomes 60 à 80, je sais absolument pas ce qui va se passer. D'accord. Alors Pablo, on a Martial, 13 ans, qui est en ligne et qui va lui aussi nous parler de son amour de One Piece. Bonsoir Martial. Bonsoir. Donc Martial, vous êtes fan de One Piece depuis combien de temps? En fait, au début, c'était mes amis qui le lisaient. Et j'ai commencé cette année, là, pendant les vacances. Donc, je connais pas encore tout, mais au début, je croyais pas que ça me plairait. Mais en fait, j'ai adoré l'histoire. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu? En fait, c'est pas l'histoire de Luffy en elle-même qui m'a le plus plu. C'est l'histoire d'amitié de l'équipage, les Mugihara, qui m'a le plus plu. Et leurs aventures, et Luffy, il soit prêt à tout pour ses amis, et quand ils le trahissent, voilà. Oui. Et est-ce que c'est une lecture qui est partagée dans votre classe, ou est-ce que vous êtes un petit peu le seul? Non, il y en a énormément. Et est-ce qu'ils suivent aussi également l'animé sur ADN, une plateforme de diffusion? Bien sûr. Tout ça de manière légale, bien entendu. Mais bien évidemment. Oui. Les enfants sont formidables. Et quel est ton membre de l'équipage de Chapeau de Paille favori? C'est Zoro. Zoro. Et Pablo? Je pense que c'est. J'aime beaucoup Brook et j'aime beaucoup Luffy. D'accord. Et Brooke, pourquoi? Parce que c'est assez rare, justement, quand on rencontre des amateurs de One Piece, que les gens citent Brooke spontanément, alors que je l'adore aussi. Et il faut préciser aux éditeurs que Brooke est un squelette avec une coupe afro, qui est le musicien de l'équipage de Chapeau de Paille. Oui, Brooke, je l'aime beaucoup parce que, bah, déjà, je trouve qu'il est assez drôle. Et aussi, qu'avec Luffy et son équipage, il a une histoire ancienne, très émouvante. Et c'est surtout ça, enfin, ce qui fait que je l'aime beaucoup. Parce que avec leur petite baleine, c'est, je trouve qu'elle est émouvante, cette histoire, et qu'il est aussi très drôle, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Brooke. Oui, c'est vrai, une petite baleine qui a une cicatrice sur ouais. la gueule, comme ça. Oui, c'est vrai, c'est très touchant. Eh bien, Martial, Pablo, merci beaucoup. Il y a Lulu qui veut intervenir. Alors, on me demande dans le chat, ça m'intéresse en tant que papa. Ma fille de 8 ans lit des mangas Pokémon et Félin pour l'autre. Est-ce qu'on peut lui mettre un One Piece entre les mains? Oh, assurément. Là, je parle en tant que papa. Ma fille a exactement le même âge et elle en est au tome 13. D'accord. Donc, je pense que c'est totalement faisable. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres parents? Oui. Benoît Huot, responsable édition Glénat. Alors, je le valide, et absolument pas parce que je suis l'éditeur, mais aussi ouais, un peu quand même. Mais c'est pas quand même. Mais au niveau du contenu, parce qu'en fait, il y a un point qui est très important, c'est qu'en fait, Eiichiro Oda fait très attention, donc l'auteur, aux lecteurs et aux lectrices auxquels il s'adresse. Et en fait, par exemple, même s'il y a bien évidemment beaucoup d'action et d'aventure, puisque c'est un shonen, en fait, il fait très attention. Il n'y a quasiment pas de mort tout au long de la série, et parce que justement ça ne fait pas partie des valeurs, on va dire, qui sont censées être faire partie de l'univers de One Piece. Donc ce qui fait que les lecteurs les plus jeunes peuvent s'y mettre sans craindre, on va dire, de rencontrer des thèmes qui ne leur plaisent pas. Voilà, je pense que c'est une réponse qui... Tout à fait, et j'ai une autre question. Je ne connais aucun manga, j'ai 36 ans, j'aimerais commencer à en lire pour me rapprocher de ma petite sœur. Que me conseillez-vous comme première lecture? Eh bien, déjà, de toquer à sa porte et de se rapprocher d'elle, physiquement. C'est faisable, tout à fait. Bah, c'est une vanne absolument pourrie que j'assume oui. Totalement. Mais tout le monde assume ici, il n'y a pas de problème. Et en termes de manga, bah, à 36 ans, mais le champ des possibles est très très large, parce que techniquement, à 36 ans, on peut tout lire. On peut tout lire parce que le manga c'est un médium, en fait, c'est un genre littéraire comme la bande dessinée, comme le roman, comme la fantastique. Il y en a pour tous les âges, il y en a pour tout le monde, et donc l'avantage du manga, c'est ça aussi, c'est de pouvoir avoir tous les styles, tous les genres, pour garçons, pour femmes, pour filles, pour adultes, pour enfants. C'est la grande force du manga, et c'est d'ailleurs on peut avoir la même chose pour la bande dessinée. En réalité, cette question se pose aussi pour la bande dessinée. On conseille pas un Astérix à une personne de 40 ans, tout comme on conseille pas une BD noire pour un enfant de 8 ans. Donc c'est la même chose, et le manga, comme la bande dessinée, c'est pluriel. Et donc la meilleure chose pour conseiller à quelqu'un qui a 36 ans, c'est justement de demander directement à sa sœur. J'ai une idée. Pour ça. J'ai une idée. À 36 ans, si jamais je devais vous faire un cadeau, à 36 ans, je vous offrirais Monster. Voilà, parce qu'il y a une dimension polar qui peut plaire à des gens qui ne sont pas forcément férus de manga. Et en même temps, voilà, ça reste du manga aussi. Gaspard? Alors, c'est marrant que tu cites Monster, parce que j'étais pas très loin dans le côté polar. Moi, il y a un truc que je conseille à tous mes amis, on va dire trentenaires, en leur disant, c'est pas que de la bagarre Dragon Ball, c'est Death Note. Moi, ça fait partie des choses. J'ai fait regarder à d'ex-petite amie Death Note. Il y a un lien. C'était gentil de préciser d'ex-petite amie. C'est après qu'elle l'ait lu. Ouais. Voilà, j'avais plutôt... des petites amies, je leur ai donné Death Note, et après c'était des ex-petites amies. Non, mais généralement, quand je me sens jugé, voilà, de lire et de regarder des animés, souvent je mets mes potes à Death Note, et généralement, je fais un carton. Je trouve que c'est extrêmement mature, avec une quand même les vrais codes du manga et en tout cas l'animé. Alors précisons aux auditeurs que Death Note c'est du fantastique, c'est-à-dire enfin voilà, c'est on est sur le terrain du fantastique et même un petit peu du manga matinée d'horreur. C'est un livre, un cahier dans le où Light Yagami trouve un cahier qui appartient au dieu des morts, et si jamais il inscrit un nom dedans et la cause du décès, eh bien ça arrive dans le monde réel, et très vite on voit l'impact que ce pouvoir donné à un humain génère sur une société, parce que les ramifications sont énormes, et voilà, c'est vraiment une œuvre formidable qui en plus a été complétée par Platinum End qui vient de s'achever également, qui est une histoire qui elle aussi est matinée d'anges, de démons, mais tout ça dans le Tokyo contemporain. Donc il y a à la fois du fantastique et quelque chose de très concret, de très réel, et je vois que Mathieu Pinon, journaliste, veut intervenir. Je lui donne la parole de ce pas. Bonjour, dois-je me présenter ? Je viens de le faire. Ah, merveilleux. parce que journaliste, c'est un peu court, jeune homme. Tout ça pour dire qu'en fait, je vais me défausser par rapport à la question. Tout simplement, si vous avez 36 ans, vous êtes suffisamment grand pour rentrer dans une librairie. Et ce que vous faites... Ah, attention, voilà. Mathieu, il a des côtés comme ça aussi. Non, mais parce qu'il y a des mangas pour absolument tout le monde. Et le champ des possibles est tellement vaste. Ce que vous faites, vous allez voir un libraire et vous lui dites quelles sont vos passions. Et si vous, par exemple, vous aimez le jazz, on va vous dire, lisez Blue Giant, chez Glénat, très très bon manga de jazz. Vous aimez le basket, il y a Slam Dunk. Vous aimez le vin, il y a Les Gouttes de Dieu. On ne peut pas vous recommander un manga sans vous connaître vous. Donc c'est par rapport à vos affinités, à vos passions, vous allez trouver un premier manga qui correspond tout à fait à votre personnalité, et de là, vous allez pouvoir ensuite faire un cheminement et découvrir des choses. Là, on va citer les titres qui sont assez sombres. Si vous n'aimez pas les polars, si vous n'aimez pas les films fantastiques, ne commencez pas par Monster et Death Note, ce sont des mangas de très très bonne qualité, c'est pas le problème. Mais par rapport à vous, ce que vous cherchez, ça va peut-être pas tout. Oui, mais Mathieu Pinon, c'est parce que quand on est adulte, on commence à payer la taxe d'habitation et les impôts, et forcément, on aime ce qui est sombre. Oui, bien entendu, mais il y a des choses également très joyeuses qu'on peut lire à 36 ans. Je pense qu'en ce moment, lire des trucs qui sont un petit peu ensoleillés et radieux, ça peut pas faire de mal. Parce que si vous avez une petite fille, lisez Yotsuba. Yotsuba, je crois que c'est un des meilleurs mangas qui puisse exister, notamment pour des parents qui vont tout de suite reconnaître le thème de la paternité. Donc vraiment, c'est en fonction de ce que... Donc vous prenez un ou deux kiffs que vous avez dans la vie, vous allez voir un libraire qui s'y connaît en manga, et croyez-moi, il va vous trouver tout de suite le titre qui vous convient pour s'aventurer dans ce domaine, voire demander à votre sœur. Oui, c'est vrai, j'aime pas trop reconnaître mes torts, mais il a fait une belle démonstration quand même, donc oui, demandez au libraire. C'est mon métier quelque part. Oui, ça se voit, ça m'énerve un peu. Alors sinon, pour le coup, il précisait dans le chat que lui habitait à Marseille et sa petite sœur à Paris, ou le contraire, donc du coup c'était un petit peu compliqué, il voulait la surprendre pour Noël. Oh, c'est OMPSG à eux deux. Peut-être. Et on me demande Captain également, Tsubasa, peut-on interroger Alex Orsini sur Monster ? On peut le faire, mais on n'a pas envie. Ben, c'est toi qui décides. C'est ton émission, c'est toi qui décides. Et il faut que je vous pose des questions sur Monster. Je dirais juste qu'effectivement, pour un premier manga, même si c'est sombre, je le recommande. Pour faire une autre connexion, si vous avez aimé Le Fugitif avec Harrison Ford, c'est un peu la même ambiance. C'est l'histoire d'un médecin qui sauve un gamin dans les années 80 et qui se rend compte ensuite qu'il est devenu un tueur en série. Du coup, il essaie de l'arrêter, donc en Allemagne. Et juste pour finir sur cette question, je pense à un manga peut-être qui peut plaire à tout le monde, et notamment à quelqu'un de 36 ans, c'est Vagabond de Takehiko Inoue, oui, parce que c'est très, assez... très bon. Enfin, très, graphiquement, très bon. C'est une tuerie, et l'histoire en elle-même est assez prenante. Et au standard, on a Gaspard. Bonsoir, Gaspard. Oui, bon... oui, ah non, oui. C'est Yvan. Bonjour. C'est Yvan. C'est Yvan. Bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est Yvan, c'est Gaspard. Oui, c'est moi. D'accord, donc c'est Gavan. Je vous appelle comment? Non, j'ai 11 ans et j'adore One Piece. D'accord, et donc vous les lisez depuis le début ou vous avez découvert ça un peu plus tard? J'ai découvert ça un peu plus tard parce que au début c'était seulement mon frère qui lisait. Et il m'a donné vraiment envie de commencer le manga, et c'est comme ça que je suis tombée vraiment dans cette passion. Et voilà, et là, tout a commencé, et après, j'ai pas arrêté de lire One Piece. Et maintenant, je suis à la passionnée de One Piece et de son personnage principal, tout ça. Et à quel tome? Vous en êtes à quel tome? J'ai tout fini, c'est bon. J'ai eu le tome 100 et je l'ai enfin fini. D'accord, donc vous êtes vraiment à jour, là? Ah oui, c'est ma plus grande passion. Bon, alors, vraiment. Question habituelle, quel est le personnage favori? Quel est l'arc favori? c'est mon personnage préféré, c'est complètement et bien évidemment Luffy. Et les autres, bien sûr, sont géniaux, par exemple Zoro et Shanks. Tout ça, c'est vraiment des personnages magiques. Ah oui, on aime quand même un petit peu tous les personnages badass de One Piece, là, quand même. Oui. Et c'est ça. Hein. Là, il y a un côté... moi, j'aime bien les mecs avec des belles épées et qui sont stylés. Oui, voilà, exactement. Et en fait, j'aime aussi énormément One Piece, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence entre One Piece et les autres. Parce que même si le thème principal est quelque peu banal, je trouve que les personnages, les dessins et même comment cela a été créé est beaucoup plus différent. D'accord. Et j'imagine que vous êtes au courant que le prochain film de One Piece qui va sortir sera One Piece Red sera consacré à Shanks. Non, je ne l'ai pas compris. Eh ben voilà, oh, voilà. Oh, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Le prochain film, ça a été annoncé à l'occasion de la diffusion du millième épisode, sera consacré à Shanks le Roux. Incroyable. Et là, j'ai fait sa soirée. Et oui. Et donc, il y a de fortes chances qu'on ait des révélations. Et ça sortira en août. D'ailleurs, c'est prévu pour août 2022, du coup. Oh là là, là, il y a le responsable d'ADN qui vient de donner l'information. Et... Elle était dans le trailer, dans le trailer. Oui, mais quand même, il n'avait pas vu le trailer non plus. Voilà, il y a aussi un trailer, il faut y aller aussi. Ça va, vous n'êtes pas tout seul pour gérer cette nouvelle? Parce que là, on est d'accord que vous venez de dire adieu à une nuit de sommeil. Hein. C'est pas faux. Hein, c'est pas faux. Oui, je sais ce que c'est, là. Oh non, c'est énorme! Je vais tous les relire pour l'occasion. Donc, ravi d'avoir pu embellir cette soirée et merci d'avoir appelé surtout. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Bonne soirée. On a Yvan en ligne également cette fois-ci, c'est vraiment Yvan. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Merci pour l'émission. Merci à vous de nous appeler. Ouais, je voulais juste apporter un témoignage donc sur One Piece et Shiroda. Donc moi j'ai 47 ans et je suis beau-père d'un enfant qui à l'époque avait 7 ans. Et forcément, je lisais un peu, voir un peu ce qu'il voulait. Il voulait que j'achète le premier tome. Donc, j'ai quand même essayé de regarder un peu s'il y avait pas un peu d'érotisme, de trucs connaissant la culture japonaise. J'ai lu ce premier tome. On voit qu'on a affaire à un amateur. Voilà. Absolument. Et donc, du coup, je checkais juste pour qu'un enfant voir s'il pouvait le lire, s'il était en âge. Et là, il a 27 ans aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'on lit One Piece ensemble. Ça fait 20 ans que, du coup, j'ai découvert que derrière Eshiroda, il y a aussi tout ce côté sociétal qu'il faut étudier, toutes les références qu'il y a dans la culture qui, moi, en tant qu'adulte, je pouvais avoir cette relation avec mon beau-fils et parler de ça et d'évoluer dans One Piece et dans toutes les références qu'il y avait. Donc, je voulais saluer vraiment le côté et la place de la femme que Eshiroda met dans ses équipages et tout. Mais c'est vraiment un hymne pour moi, la différence. One Piece, c'est quelque chose qui peut, en tout cas, faire évoluer, faire comprendre une société, la différence entre les êtres humains, d'une façon, pour moi, absolument géniale. Voilà, c'était mon témoignage. Oui, c'est vrai que je vais totalement dans votre sens. Il y a vraiment rien de mieux aussi pour établir de très très beaux liens et de faire de belles passerelles avec les enfants. C'est que aujourd'hui on vit dans un monde qui nous permet à la fois à 40 ou 47 ans de partager des passions avec des enfants de 13, 14 ans. Là, je suis ravi qu'il y en ait plein qui nous appellent ce soir et c'est pour ça que à tous les parents qui des fois regardent ça avec un air un petit peu interloqué, un peu revêche, vraiment, n'hésitez pas à trouver le manga qui vous correspond, parce que déjà, c'est complètement faux de dire que vous n'aimez pas le manga, c'est juste que vous n'avez pas trouvé le manga qui vous correspond, parce qu'il y a un manga pour tout le monde et pour tous les publics. Et vraiment, merci Yvan d'avoir apporté ce témoignage. Merci pour l'émission, à bientôt. À bientôt. Lulu ? Alors, je connais One Piece de loin, quel est le traitement des personnages féminins ? Parce que je n'entends parler que des personnages masculins pour le moment. C'est une question dans le chat. Alors, pour le traitement des personnages féminins, je vais me tourner vers Alexis Orsini. Et il s'en est très bien sorti sur Monster, donc là maintenant... comment parler des personnages féminins? Parce qu'il y a débat. autour de la manière dont Eiichiro Oda les présente physiquement, parce qu'il y a un style de personnage très calipige, avec des hanches très généreuses et des poitrines énormes, mais une taille extrêmement fine. Mais en même temps, il y a une forme d'indépendance et d'autonomie dès le départ dans ces personnages féminins qui est assez évidente. Donc cette dualité, comment l'expliquer mieux que je viens de le faire? Ce qui est amusant, c'est que effectivement, les courbes des personnages féminins s'accentuent, on va dire, au fil des tomes. C'est ce qu'on appelle un peu le fanservice, donc c'est assez courant dans les mangas. C'est là, en l'occurrence, un shonen, donc un lectorat à la base théoriquement masculin. Donc Oda lui-même reconnaît que ses deux héroïnes principales, Nami et Nico Robin, leur poitrine, par exemple, grossit au fil des tomes, et il dit que c'est un peu normal parce qu'ils sont en pleine croissance, enfin sur le ton de la blague. Mais cela étant, ce serait un peu réducteur de les limiter à ça, puisque effectivement ces personnages féminins sont les égales plutôt des hommes. Nami, qui apparaît dès les premiers tomes, en fait, est un peu un personnage indépendant, qui est tout de suite assez agressive avec Luffy, mais on comprend ensuite pourquoi elle veut pas rejoindre son équipage. C'est la navigatrice de l'équipage. C'est ça. Et en fait, elle a un passé tragique qui explique justement que elle a une vie assez compliquée, mais elle s'est quand même battue justement dans un univers assez masculin, assez violent. Elle s'en est tirée toute seule avant de rejoindre l'équipage de Luffy. Et Nico Robin, donc, est introduite bien après. Pareil, c'est un personnage qui, au début, fait partie plutôt de ce qu'on va appeler les méchants, mais qui a un côté mystérieux qui intrigue le lecteur. Et après, pareil, on découvre son passé assez tragique. Et pour le coup, dans l'intrigue, c'est aussi un personnage qui a un rôle central, puisque c'est une archéologue qui est capable de déchiffrer des textes anciens qui, a priori, devraient mener au fameux One Piece. Voilà. C'est le nom de... Je rajouterais également que ces deux personnages qui sont Nico Robin et Nami sont les personnages les plus importants de l'histoire, en réalité. C'est-à-dire que, premièrement, Nami, c'est la navigatrice. C'est-à-dire que c'est elle qui dirige l'équipage. Donc c'est elle qui a le sort de tout l'équipage dans ses mains. Et donc c'est pour ça qu'elle est si importante. C'est-à-dire que c'est peut-être... évidemment, il y a des personnages qui sont forts, qui combattent, etc. Mais Nami, c'est plutôt le cœur, on va dire, de cet équipage. Et c'est elle qui va, en fait... qui permet, en fait, toutes ces aventures d'avoir lieu, en fait. Donc, en fait, elle a un rôle central. Pareil, Nico Robin, clairement, c'est le personnage qui a le sort du monde complètement, puisqu'elle c'est la seule femme et la seule personne au monde qui peut décrypter ces ponéglyphes. Donc, et à partir de là. En tant que responsable d'ADN, j'ai remarqué quelque chose, une différence assez importante entre la manière dont Eiichiro Oda dessine les personnages féminins dans le manga et ensuite dans l'adaptation en animé. Pour le coup, elles sont des fois beaucoup plus sexuées dans l'animé ou même dans les films, qu'elles ne le sont dans le manga. C'est notamment vrai pour un des personnages qui apparaît beaucoup plus tard, Yamato, et qui a vraiment gagné des tailles de soutien-gorge de manière drastique, en fait, dans l'adaptation en animé. J'ai pas cette impression-là, on va dire. Bob, bob, bob. J'avoue. Si jamais vous continuez, je refais bob, bob. Moi, je trouve que peut-être qu'il y a ce côté, évidemment, de contre-plongée, on va dire, à certains moments, qui est prononcé dans l'animé, mais y a aussi plein d'autres choses qui sont montrées dans l'animé. C'est-à-dire que l'animé permet de montrer beaucoup de différences, évidemment, puisque, évidemment, il y a les plans qui changent, etc., contrairement au manga où c'est des planches fixes. Et donc, du coup, on passe plus rapidement dessus. Un animé, c'est 20 minutes. Et donc, forcément, ça permet de montrer différentes facettes du personnage, y compris physique, disons-le. Mais c'était Aurélien Martinez qui s'exprimait, le responsable de la plateforme ADN. Éditorial, voilà. Mais il y a aussi d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute la partie... on les voit combattre, on les voit montrer leur détermination, leur faiblesse, et c'est aussi ça, en fait, ces personnages-là. On les voit de manière beaucoup plus forte dans l'animé que dans le manga, et en fait l'animé est là pour un peu sublimer un peu l'œuvre originale. Alors, on est en train de faire une soirée manga consacrée à One Piece, et moi, il n'y a rien qui me met plus dans l'univers de One Piece que ces fameux génériques d'ouverture, les openings, et là, on va en passer un que j'aime tout particulièrement, c'est Super Powers, on l'écoute. Ah non, c'était pas Super Powers. Pas grave. Oui, c'est Dream On. Ah, Mais c'était pas du tout super beau. Salut Bounaïmine. Il vient de me faire un bisou sur le crâne. Si jamais vous avez entendu un gros smouche à l'antenne, c'est Bounaïmine qui vient de me dire bonjour. Oui, en fait, c'était Dreaming On avec chanté par The Ice. Voilà, super power, vous l'aurez tout à l'heure. Voilà, c'est juste que j'ai fait une panouille dans mon conducteur. Et justement, j'ai des amis humoristes autour de la table qui partagent avec moi cette passion pour One Piece. Et là, je me tourne vers Yacine Bellouz. Bonjour, bonsoir. Et bonsoir à tous. Quel donc, plaisir. C'est One Piece. Là, dès que j'ai su que je devais faire cette soirée, voilà, j'ai tout de suite envoyé un petit message. Je t'ai envoyé un message à toi. Ouais. À Dedo également. Parce que je me souviens d'une soirée au Field, au Trévise, ouais, où je vous vrai. Avais vu ensemble. Vous étiez jeunes, tout frais. Ouais. Comme c'était ça. Avec Boone d'ailleurs. Oui, oui, oui. Oui, et vous avez de Boone. Qui est là, mais qui tourne en fait. Et il fait un jeu de la chaise musicale. Non, moi, il y a une place se libère, un chinois arrive. Voilà. Et vous aviez chanté le générique de One Piece, ouais. We Are. Et je allez, vous ai dit. Takeno, Yume wo, voilà, exactement. Kakiatsume. On l'avait fait avec le groupe. Avec ce qui est groupe, formidable, c'est de faire apprendre à des anciens, des mecs qui ont l'habitude de jouer du rock, la musique de One Piece. Et ça, c'était le vrai plaisir. Parce qu'au Field, il y a un groupe qui joue la plupart du temps des reprises de rock, de pop. Et là, vraiment, je crois que c'est la première fois qu'ils avaient un générique d'animé à reprendre. Et donc, c'était le grand plaisir de leur donner les partitions. J'avoue. Et donc, votre rencontre avec One Piece, c'est arrivé comment ? Ok, je commence alors. Yacine Bellouz représente la Seine-Saint-Denis, 16 ans. J'arrête de lire des mangas parce que je vieillis. Et puis, pourquoi ? C'est quoi cette histoire ? Ben je sais pas pourquoi j'ai eu un truc de ok moi j'ai grandi avec le Jamel pas le Jamel Comedy Club le Club Dorothée ouais parce que je me dis les gens me connaissent du Comedy Club le Club Dorothée, Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac et tout ça, et puis à un moment donné ben je sais pas pourquoi je me désintéresse et je lisais pas beaucoup les mangas papier, et puis à 19 ans j'ai plein de potes que j'ai rencontrés justement dans un domaine très créatif qui est l'improvisation, qui me conseillent de reprendre les mangas. Ce qu'ils me disent, t'as raté des trucs, il y a des nouveaux mangas qui sont sortis, et ils me montrent Naruto et One Piece. Et là, c'est vraiment un choc parce que j'ai découvert tout ce monde-là, et je me dis, putain, les mangas, en fait, ont vraiment évolué, il y en a qui me plaisent, parce que Naruto et One Piece, à l'époque, Naruto était vraiment au-dessus de One Piece en termes de vente, en termes de, comment on pourrait dire, de succès, de buzz, quoi. Et puis, en fait, j'ai découvert les deux en même temps. C'est vrai que j'aimais beaucoup Naruto, mais One Piece, ils me disaient, toute cette bande de potes me disait, on pense que One Piece, c'est le potentiel qui va vraiment cartonner. Et donc, je suis rentré là-dedans comme ça. J'ai redécouvert comme une deuxième vague de manga, pour faire la comparaison avec le Corona, ces mangas-là, et j'ai trop adoré, quoi. Bounaïmine ? Oui. Alors comment ça s'est passé la rencontre avec One Piece ? Parce que Boone, je sais que vous êtes fan de là, tu me vous vois ? Ouais, bon, ok. Non, mais de toute façon, c'est bon. Vas-y. Je crois qu'il faut que je l'arrête parce que tout le monde. Mais oui. Bon. Nous noyons-nous. Voilà. Je pense qu'on sait que t'es fan de manga. Et à quel moment t'as rencontré One Piece ? Moi, j'ai rencontré One Piece juste après Gun. Vraiment. Ouais. Et Slam Dunk. Yukito, voilà. Slam Dunk ou Gun? Gun, Slam Dunk et après One Piece. Ça a été mon belle trinité au début. Ouais. Et je suis passé par Video Girl High aussi parce que j'étais ado. Oui, mais pour l'histoire. Oui, c'est juste pour l'histoire. Et ouais. Et puis ouais. C'est juste toutes les valeurs du shonen et tout le fait d'avoir bah, d'avoir un rêve, de trouver ses nakamas et d'être à la quête du bonheur qui a fait que bah ouais, je me suis retrouvé dedans et que je suis dedans depuis plus de 25 piges, quoi. Et c'est quelque chose de même carrément assumé sur scène de manière assez forte, parce que il est pas rare de te voir arriver avec une tenue de l'Akatsuki. C'est pas du tout One Piece, Akatsuki. Non, c'est Naruto. Oui, oui, c'est-à-dire que voilà, il y a. On est dans une nuit manga sur France Inter. Ah ok, c'est la nuit manga, c'est pas la nuit One Piece. Bah, okay. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'on a commencé sur One Piece parce que c'est l'événement. Okay. Il y a Santôme. Il faut savoir que je viens de débarquer. Voilà. Il sort de l'européen où il a cartonné, donc voilà. Ouais. Je dis ça en même temps, je sais pas, c'est peut-être très mal passé. Non, on était deux. Oui, ah. Donc, ce que je joue demain, et donc j'étais un peu en avance. Mais oui. C'était quoi ? Oui, ouais. J'ai mon générique de fin, c'est One Piece. Je rentre en Akatsuki sur scène et ouais, voilà quoi. Les mangas, c'est la vie. Les mangas, c'est la vie. Ça, des dos. Bah, on est tous les trois de la génération, c'est vrai, Club Dorothée. Moi donc, je suis passé par la case Dragon Ball et tout ça, mais c'est vrai que mes premiers chocs, vraiment, qui m'ont mis dedans, c'était à l'époque de l'adolescence, c'était Akira et Urotsuki Dooji. Donc, bah, la joie et la paix et la bonne humeur. Et hein. Les tentacules. Ah, exactement. Oui. On pourrait beaucoup parler du Urotsuki Dooji, mais. Oui. Pas bon, ce soir, il y a une deuxième partie de soirée. Voilà. Là, on arrive, ça va être le moment où on va faire une petite pause. Je vous rappelle que vous êtes dans la nuit manga sur France Inter. Pour nous appeler, c'est le 45 24 7000, voilà. Donc n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez parler directement avec nous. Et il y aura aussi des jeux, des quiz. On se retrouve tout de suite après une petite pause. France Inter. Sniper King. Ah non, va pas. Brûle-moi. Tinuke. Se torche. Mon cahier. Avec plaisir. Frédéric Sigrist. 01 45 24 7000. Oh mon Dieu! On est de retour pour la nuit manga sur France Inter. C'est exceptionnel. Si vous êtes fan, amateur de manga, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Je répète, 01 45 24 7000. On a encore beaucoup d'appels. On va prendre des auditeurs. Il va y avoir des jeux également. Donc, on a commencé à parler de One Piece parce qu'aujourd'hui, c'était la sortie du 100e tome. Il y a quelques semaines, c'était le 1000e épisode. 24 années de travail déchirant. Et là, je me tourne vers Pauline Croquet, journaliste au Monde, pour savoir, le Monde on connaît, journal vénérable, respectable, comment est perçu le manga et surtout vous, en tant que journaliste, est-ce que vous êtes fan de One Piece depuis longtemps ? Oui, écoutez, le manga, il est plutôt perçu de façon sympathique et on le reçoit. C'est un phénomène de société, on l'a expliqué en début d'émission. Donc, à ce titre, en tant que journaliste, quand quelque chose plaît à autant de monde, suscite autant de passion, génère autant de ventes et d'engouement, on est quelque part, on se doit d'aller voir les gens, d'en parler. Et à ce titre, du coup, on a fait une couverture sur One Piece récemment. J'ai eu le plaisir de pouvoir travailler très longuement, d'aller à la rencontre de plein de gens en France, à la fois des professionnels du manga, mais aussi des lecteurs anonymes, des gens qui ont répondu à un appel à témoignages qu'on avait lancé. Ils étaient hyper nombreux avec des témoignages d'une richesse et d'une profondeur absolue. Donc c'était un très gros article à écrire. Donc quelque part, on a conscience de ça. Mais encore une fois, le manga, c'est très vaste. Il y a encore beaucoup de choses à raconter. C'est une industrie qui a 30 ans... voire un peu plus en France, donc il y a encore plein de choses, plein de sujets à faire. Et alors ce qui m'intéresse, c'est que moi je suis assez jeune pour me souvenir d'une époque où, assez vieux plutôt, pour me souvenir d'une époque où il y avait une forme de défiance des journaux vis-à-vis des mangas et de l'animation en général, ça a changé. Et est-ce que vous étiez déjà fan de manga avant de travailler au Monde, et du coup vous avez participé à une sorte de renouvellement, ou est-ce que c'est au fur et à mesure des gens qui se sont fait convertir? Ben c'est un peu des deux. En tout cas, moi, à la base, j'étais lectrice de manga. C'est d'ailleurs pas forcément quelque chose que j'exposais quand j'ai fait des études de journalisme au début de ma carrière. C'est pas quelque chose que je mettais en avant. C'était mon plaisir et je le partageais avec des amis et je me régalais. Je passais des heures à la Fnac, assise à la fac, à dévorer des mangas parce que j'étais fauchée comme les blés et donc il fallait bien continuer à regarder, à lire des séries. Mais voilà, c'est resté comme ça. Et un jour, en fait, j'ai décidé de le mettre sur mon CV. parce que j'en avais marre de mettre cinéma, photographie, voyage. Je me suis dit, tiens, voyons si les employeurs lisent ces petites notes en bas des CV, et j'ai mis manga, parmi d'autres choses. Et en fait, mon entretien d'embauche au Monde, ben, on a soulevé la question du manga, et on a discuté, donc c'est resté dans l'oreille, en fait. Alors moi, j'adore faire du storytelling, et puis, et refaire des histoires, donc en fait, on peut le dire, c'est grâce au manga que vous êtes rentré au Monde. Pas que, mais en tout cas, ça fait partie des choses qui les ont interpellés. En tout cas, on s'est dit que, bah, puisque je lisais du manga, étant donné que j'étais embauchée, si je pouvais en parler, si j'avais les compétences pour en parler ou souligner le fait qu'il y avait des sujets à faire, bah, de les faire, tout simplement. Et ça s'est fait comme ça. Et en parallèle, après, il y a des gens, bah, comme partout dans la société, qui se disent « Ah tiens, il y a quelque chose. Tiens, cette série, elle a l'air bien, je vais m'y mettre. L'Attaque des Titans, par exemple. » Pendant le confinement, très clairement, il y a des gens, ils ont vu ça popper sur leur plateforme de streaming. Popper. Oui. Poupée. Apparaître. Apparaître. Apparaître soudainement. De façon agréable. Agréable. Il y a une notion d'agréable à poupée. Absolument, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des titans? Sinon, on dit poupée. Titans chaudes près de chez toi. Non, mais c'est clairement ça. Il y a la plateforme de streaming, on allume et très clairement. Vous ne voulez pas regarder l'Attaque des Titans, vous êtes sûr? Non, mais vraiment, regardez l'Attaque des Titans. On finit peut-être par. Allez, on lance un épisode et les gens se font happer. Et en fait, il y a de plus en plus de gens qui étaient pas du tout, qui étaient retors un peu au manga et à l'animé, avec qui je parle et qui me disent cette série c'était fou. Je lis pas de manga, par contre ce manga c'est génial. Naruto aussi, il y a un peu cet effet là très récemment. Donc alors dans la maison à France Inter, il y en a une qui n'est absolument pas retors vis-à-vis des mangas et elle est en ligne. Bonsoir Laetitia Gaillet. Bonsoir les amis. Ça va? Ça va très bien, je vous écoute, je suis passionnée. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'auditeurs filles. Merci Pauline d'être là, parce que c'est pas évident quand on est lecteur de manga d'être une fille là-dedans. Alors les jeunes, oui, mais voilà, c'est un truc que j'ai découvert il y a 5 ans, le manga, en toute sincérité avec ma chronique. Je me suis mise à ça, j'ai découvert... J'ai appris, parce qu'il faut apprendre à lire du manga, il faut découvrir. Mais One Piece, c'est ma découverte de l'année, j'avoue. J'ai 49 ans et c'est ma découverte de l'année et je suis tombée dedans, bêtement, tout simplement. C'est tellement bon, c'est tellement bon à lire, c'est tellement drôle. Et je confirme, je confirme. Laetitia m'en a parlé dans les couloirs. Vraiment, c'est pas fin. Il y a vraiment un truc qui s'est passé entre Laetitia Gaillet et Luffy au chapeau de paille. Hein. Et Nico Robin, parce que j'aime beaucoup ce personnage-là. Je le trouve très émouvant, en fait. C'est un des plus émouvants pour moi dans l'histoire de One Piece, parce qu'il n'est pas comme les autres, parce qu'il n'est pas batailleur comme les autres. Elle a les connaissances que les autres n'ont pas. Et en plus, elle est, on la recrute pas, elle, dans l'équipage. Ouais. Oui, c'est elle qui s'invite. S'invite voilà. De ouf. Oui. Il y a Bounaïmine qui confirme. C'est vrai qu'elle s'incruste complètement. Ben ouais, mais c'est peut-être ça aussi le vrai féminisme, quoi. C'est arrêter de nous inviter. On va y aller et on fait partie de votre route, les gars. Et je trouve que ça va même plus loin parce que moi, ce que je trouve, il y a une vraie égalité femme-homme, c'est-à-dire que les nazes prennent des coups de taloche pas possibles, elles en foutent aussi. Et c'est ça que je trouve qu'il y a de formidable là-dedans, c'est que on se pose plus la question qui est une nana, qui est un garçon là-dedans. Ça tape dans tous les coins, mais plutôt maniement. Donc c'est ça que je trouve bien, quoi. C'est grâce à leur pouvoir, il y a une manière à chacun de faire. Et voilà. Et moi, je dis, en tant que vieille lectrice de manga, j'aime beaucoup. Non, faut pas parler comme ça, Laetitia. Oui, Laetitia, t'es pas si mal. C'est pas bien. Ça suffit. Mais c'est la vérité parce que Pauline, on s'est croisé à plusieurs reprises avec Pauline. Elle fait non de la tête. Voilà. Et Pauline est ce que j'appelle une vraie lectrice. Et donc moi, quand je suis arrivée dans ce groupe-là. Ça a été. Je pensais que je connaissais les choses. Je me suis rendu compte que je connaissais rien. Effectivement, il y a un manga pour tout le monde, mais en fait, l'univers, c'est. On dit le shonen et ma fille me l'a dit dans la voiture en vous écoutant. Elle me dit, shonen, j'en ai marre qu'on dise que c'est pour les garçons. Ma fille est adolescente et en fait, non, c'est pour tout le monde. Au départ, c'était sans doute ça. Mais aujourd'hui, les filles lisent One Piece, et les garçons lisent des shojo aussi, qu'ils se cachent pour le dire. Mais moi, je lis des shojo, hein, Jacim. Totalement. Voilà. Oui, nous avons Winnie à côté, qui est donc créateur, Winnie Sensei, qui est créateur de contenu, qui vient de révéler qu'il le lit des shoujo et il l'assume totalement. Il a fait un shoujo out. Shoujing out. Voilà, exactement. Shoujing out. Bah, en fait, je pense, pour revenir sur le sujet du shonen, c'est que, en fait, c'était effectivement, de base, une cible éditoriale ciblée pour les jeunes garçons. Mais que, enfin, aujourd'hui, en vrai, ouais, ça touche, peu importe. Je pense que ça a dépassé le modèle. En exactement. Fait. Et c'est ça qui est assez étonnant, parce que moi, effectivement, quand on parle, j'entends des auditeurs adultes et des auditeurs plus jeunes, mais le rapport, moi j'avoue, hein, mes enfants, ils lisent des mangas, ils me disent, viens voir là, ça c'est bien à chroniquer, ça tu pourras en parler, c'est plutôt pas mal, et on a une vraie discussion de manga à trois, quoi. Et alors là, j'ai une question vraiment professionnelle. Laetitia Gaillet, comment ils vivent le fait que, du coup, c'est eux qui fournissent les sujets principaux de vos chroniques et qu'ils n'ont pas payé pour ça? Ils le disent bien, des fois, ils corrigent même. Parce que les enfants de Thomas Croisière ont créé un comité de soutien d'exploitation. Et je peux leur donner le numéro hors antenne. Oui, oui. Non, mais moi, j'ai découvert avec eux Radiant, par exemple. Oui, Radiant, dessiné par un dessinateur français. Des Français, Denis Valente. Denis Valente, oui. Voilà, c'est eux qui m'ont, quand on avait chroniqué ensemble, parce que c'était pour le Fauve d'Angoulême, et on travaillait ensemble tous les trois, et en fait, j'ai écrit la chronique, et j'ai eu droit, ah non, ça, tu peux pas mettre ça comme ça, tu peux pas l'écrire comme ça, et donc, enfin voilà, il y a une communauté, il y a une communion, et moi, je trouve ça assez rigolo, parce que c'est, pour le coup, la bande dessinée se partage, et je trouve que le manga se partage encore plus, en fait, bizarrement. Merci beaucoup, Laetitia Gaillet. Je vous en prie, passez une bonne soirée. Hein. À vous aussi. Bisous, Laetitia. Bisous. Leïla, vous êtes blogueuse et je voudrais vous interpeller sur justement cette disparition entre shonen et shoujo, auquel je souscris également. Est-ce qu'aujourd'hui ça ne veut plus rien dire de parler de ce clivage-là, ou est-ce qu'il y a encore des histoires qui restent plutôt l'apanage des filles et d'autres des garçons? Non, pas spécialement. Moi, je me dis pas, parce que c'est un shonen, je vais pas aller le regarder. Au contraire, je regarde le synopsis, je vois si ça m'intéresse et je fonce. Et je sais que j'ai plein de copines, c'est le cas également. J'en ai amené beaucoup dans le bateau de One Piece, je suis très fière de ça. Mais je sais qu'on peut regarder d'autres mangas beaucoup plus dark qui sont peut-être plus recommandés pour des garçons, mais pour autant, on va tout autant kiffer. Voilà. Et quel est votre personnage préféré? Zoro. Oh là là, je suis déçu. T'as lu le scan? Je pensais que j'allais dire quoi? Oui, incroyable. Alors on a également Christophe Lenin, qui est gérant de la librairie Ayaku, formidable librairie. Tout à fait. Voilà, vous voulez prendre la parole? Oui, je voulais dire un truc par rapport au lectorat. Le lectorat de mec est chiant parce que il a des genres prédéfinis, le seinen, le shonen. Le lectorat féminin, c'est que du bonheur. Elle lise de tout. Franchement, quand on fait une proposition, shonen, shoujo, voilà, le truc que les mecs vont pas lire, voilà, seinen, apprennent tout. Et c'est ça qui est très intéressant au niveau du lectorat, c'est qu'on peut proposer de tout et qu'il n'y a pas un stop, parce que le mec a l'air trop filiforme, qu'il a les yeux trop brillants, que la jeune fille à côté a des yeux exorbités ou pas. Et alors que le contenu histoire est mortel. Enfin, je veux dire, si on dépasse cette barrière graphique et ce code, les mecs, en général, ne devraient pas s'arrêter à ça. C'est une histoire qui est aussi intéressante que ce qu'ils lisent en shonen. Alors, il y a débat à l'antenne. On a Victor, parce que rappelons que c'est une nuit manga et que les auditeurs peuvent participer en nous appelant au 01 45 24 7000. Et Victor n'est pas d'accord. On l'écoute. Bonsoir, Victor. Bonsoir. Donc, vous aviez quelque chose à dire sur le système dans les librairies? Moi, je voulais surtout intervenir. Je disais que j'étais libraire, donc du coup, j'avais pu voir un petit peu comment ce que c'était d'être vendeur et pas juste client. Et puis aussi que j'avais eu l'occasion d'aller au Japon quand j'étais étudiant pendant 3 mois, et que j'avais fait un mémoire en fait où j'ai expliqué, où je parlais du marché du manga. En fait, j'avais parlé de l'offre et de la demande, des habitudes des lecteurs, des points de vente, des salons. Et du coup, je m'étais vraiment penché sur la question, sur d'où ça vient en fait ce succès qu'a le manga. Surtout qu'en plus, bah, au Japon, ils n'ont que le manga comme forme de BD, alors que nous, on a quand même 3 genres de BD différents. Et que voilà, c'était d'où venait ce succès qu'avait le manga, en fait. Donc c'est plus une question, en fait, de manière générale, ouais. Qu'on explique pourquoi ça fonctionne plus que d'autres genres de bande dessinée, c'est ça? Un petit peu, ouais, je m'étais posé, voilà, c'est que j'avais envie de participer à l'émission, C'est la première fois que je C'est gentil. Faut pas hésiter du tout. Oui, moi, si j'apportais ma réponse sur le pourquoi. Libraire, lui aussi. Voilà. Je dirais que c'est ces histoires racontées au quotidien qui sont extraordinaires. C'est-à-dire que ce lycéen, cette lycéenne va pour X raisons être le dernier espoir du monde, généralement amnésique, a perdu sa famille, vraiment une vie de merde au démarrage, et en fin de compte le personnage va prendre des coups au quotidien, va vouloir continuer, va vouloir apprendre de ses erreurs, progresser, et en fait quelque part on a une empathie parce que bon, le lectorat plus jeune, voire plus vieux, nous, on peut à la limite s'identifier, c'est pas trop éloigné de ces personnages. On n'est pas complètement déconnecté. Et après, il y a l'exotisme aussi de ce style de vie. Ces lycées, ces bureaux, enfin, les bureaux, c'est pas très exotique, mais en tout cas, le début de la vie à la japonaise. Et je trouve qu'à travers, justement, ces mangas, on découvre un autre endroit, une autre façon de vivre, un autre style de vie, alors que la BD franco-belge ou le comics, c'est formidable, hein, je suis lecteur, mais c'est mon quotidien à moi, c'est mon côté occidental. Ouais. Et le Japon envoie une autre image, et je pense que ça peut être l'accroche. C'est ça, et en fait, justement, j'entendais dire, est-ce que les mangas, c'est vraiment que pour les garçons ou que pour les filles? En fait, c'est ça une des raisons du succès du manga, c'est qu'en fait, c'est vrai que ça a son public un peu de prédilection en fonction des genres, mais c'est toujours assez ouvert pour permettre à quelqu'un qui ne fait pas partie de ce lectorat initial de pouvoir se plonger dedans, découvrir et apprécier, en fait. Et justement, c'est ça qui, c'est une des raisons pour lesquelles le manga se distingue des autres formes de BD. Parce que, par exemple, la BD franco-belge, j'ai cru comprendre que les auteurs doivent essayer de viser parfois un lectorat très large, peut-être en dehors de la BD jeunesse, parce que, ils doivent maximiser les ventes. Et que les BD, les comics, par exemple, aussi peuvent être parfois restreints par la longueur des histoires, mais aussi par la notion de politiquement correct qui est encore très ancrée au Japon. Alors qu'il n'y a que dans les mangas qu'on peut avoir des sujets très crus qu'on n'aurait pas ailleurs. Par exemple, prenez l'attaque des Titans. C'est pas dans n'importe quelle œuvre qu'on voit le personnage perdre sa mère d'une manière aussi triste, quoi. Oui, oui, oui. Mais en même temps, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, poteau. Mais après, c'est vrai que c'était très graphique. Voilà, c'était quelque chose de très graphique. Mais Pauline Croquet, journaliste au Monde, veut vous répondre. Autant je vous rejoins sur le fait que cette distinction éditoriale shoujo shonen s'efface et ne fait pas forcément sens. En revanche, ce que ça a permis, c'est d'amener une BD qui remplissait des cases qui n'étaient pas forcément remplies par le comics ou la BD franco-belge, à savoir les jeunes, les enfants. Alors oui, il y avait des offres, mais elles étaient encore plus variées. Et aussi les lectrices, moi, à titre personnel, quand j'étais ado, des BD qui, avec des héroïnes, elles n'étaient pas nombreuses. Il y en avait quand même certaines, enfin la Schtroumpfette au secours, quoi. Oui. J'ai pas lu ce numéro. La Schtroumpfette au secours. Mais et puis vu comme ça, c'est un drôle de tome. On avait quand même, le choix était pas dingue, et je rejoins Bunaimin, c'est que moi, un des mangas qui m'a le plus frappé, qui m'a donné envie de lire du manga toute ma vie, c'est Gun, en fait. Oui, Gun, on propose quoi? Une héroïne badass qui ne passe pas sa vie à penser qu'aux garçons et tout ça, qui a un vrai, qui a la recherche de son histoire. Elle est très puissante. C'est une adolescente, donc elle affronte ses parents. Il y a quand même l'affrontement avec le père. Il y a à la fois un peu d'amourette. Un père de substitution, tout à fait. Mais il y a quand même Gun, en fait, ça se passe dans un futur dystopique. Et en fait, ça compte l'histoire d'une cyborg. Il y a déjà un film qui a été fait par Robert Rodriguez, Battle Angel Alita. Produit par Cameron. Voilà, produit par James Cameron. Et en fait, Gali est une femme cyborg qui a perdu la mémoire, qui est trouvée dans une décharge par un ingénieur qui s'appelle Ido, qui la répare, et en fait il s'avère qu'elle se souvient au fur et à mesure de choses en combattant, et en fait derrière ce canevas de départ qui est très très simple, on va découvrir tout un univers, des colonies, des inégalités entre les riches et les pauvres vivant dans une décharge et les riches habitant dans une cité au-dessus de cette décharge qui s'appelle Zalem, et la cité en bas s'appelle Jérus, si vous, vous rejoignez Jérusalem, et vous comprenez en fait toutes les dimensions qui peuvent apparaître dans le manga de Yukito Kishiro. Et effectivement, je le conseille comme Pauline Croquet, c'est une excellente histoire et qui ne s'est toujours pas achevée parce que l'auteur continue de travailler. Enfin, voilà, il était un peu noyé dans sa série. En fait, je pense qu'il a, il vit en permanence avec sa série. Il a fait des suites, mais ne serait-ce que les 9 premiers tomes de la série originale, de la série mère, c'est une pure merveille. C'est à la fois un récit initiatique d'adolescente et une dystopie sociétale avec énormément de thématiques. Donc, et on remercie Victor qui a raccroché et qui est parti et qui a dit c'est bon, j'ai participé. Il a drop the mic et il est parti. Merci, c'est tout pour moi. Merci Victor, merci beaucoup. Yacine Bellous, j'ai vu que tu voulais t'exprimer sur pourquoi le manga marchait autant par rapport à d'autres bandes dessinées. Nous t'écoutons. Moi, je trouve ce qui est intéressant dans la plupart des histoires, c'est qu'il y a tellement de références et d'outils pour avoir des communications avec ses potes que ça peut devenir des éléments de langage dans la vie. On peut décrire des émotions qu'on vit dans la vie en utilisant le Nen d'Hunter x Hunter, en utilisant l'équipage de One Piece, en utilisant toutes les passages de grade qu'on peut avoir dans Naruto. Le fluide. Exactement, il y a tellement de métaphores et il y a tellement de moyens d'associer des choses complexe à des trucs simplifiés par l'auteur, que ça me rappelle la comédie. Nous, notre travail en tant que stand-upper, c'est de simplifier des émotions et des situations extrêmement compliquées en une punchline, une situation rigolote, pour que les gens puissent se dire « Ah ok, j'ai vécu ça, j'ai pensé ça, mais j'avais pas les mots. » Et pouvoir réutiliser ça avec des fans du même manga, ça permet une communion, ça permet de s'exprimer et de pouvoir traduire des émotions qui sont pas faciles à dire, avec des mots comme, je sais pas, lui c'était un bout. C'est pour expliquer que le gars, il était chaud, qu'il avait des compétences incroyables. Lui, il a un nain un peu violent. C'est pour expliquer que la personne, quand t'es avec elle dans la pièce, il y a quelque chose d'un peu toxique. Tous ces éléments qui sont fun à dire peuvent permettre de traduire des émotions complexes à comprendre quand on est jeune. Ouais. Tu vois, c'est comme quand je suis rentré. Bonaïmin, humoriste également. Je suis rentré, j'ai vu Dedo et Yacine et j'ai dit tout de suite Nakama et on s'est compris. Voilà. Tous les trois, comme quoi on a galéré et on reste à galérer sur le même bateau, quoi. Exactement. Quand Boone fait des énormes salles en ce moment, on lui dit, moi, t'es sur Grand Line, t'es dans la mer de tous les périls, tu vois. En gros, Il en passe de devenir empereur. Hein. Exactement. Il est sur le point de devenir empereur. Et en fait, tous ces éléments-là font partie d'un folklore. On pourrait appeler ça un folklore. Mais ce qui est beau, c'est que la société française, les gens dans tous les coins de la France, qu'on soit en banlieue, en campagne, on va trouver des éléments pour se comprendre quand on est fan de One Piece, quand on est fan d'Hunter x Hunter, quand on est fan de Naruto. Et ça dépasse l'histoire et la problématique de l'auteur. Ça entre en nous et ça transcende l'idée de qui on est dans notre société française. Et c'est ça qui est beau, on peut se rencontrer grâce à ça. Dedo, est-ce que vous rencontrez du monde grâce à One Piece ? On a rencontré des amitiés, on a rencontré des passionnés et du coup forcément c'est vecteur de rapprochement entre les gens. Mais ce que disent Yacine et Boone me permettent de transitionner sur un aspect qu'on a un peu transitionné. Ouais, t'aimes pas? Non, mais à cette heure-ci, okay. J'ai encore rien contre. Moi, j'aime bien. Mais, non, mais voilà. Si tu le redis dans une heure. Oh là là, c'est une cutscene. Vas-y, moi, je suis avec Watt, toi. Ouais. Moi, je suis avec Dedo. Dans quel manga transitionne? C'est un manga qui s'appelle La Vie, frère. C'est un manga qui s'appelle 2021. Mais c'est vrai. Évolue, frangin, évolue. Pour recentrer sur One Piece, on a un peu occulté l'aspect humoristique de One Piece qui est omniprésent et qui est vraiment, je pense, participe au succès de la série parce que chaque personnage possède un humour bien à lui et en plus on a plusieurs types d'humour diversifiés. On a de l'humour dans des punchlines, on a de l'humour de situation. Moi, on parlait de nos persos préférés. Moi, c'est clairement, je peux pas les dissocier, c'est Usopp et Tony Choppa, qui est duo le plus marrant. Enfin, pour les plus âgés, c'est plus marrant que Chevalier Las Palès, par exemple. C'est sûr. Pour les un peu moins, plus marrant qu'Eric Ramsey, vraiment. Ils sont très très marrants les deux, c'est vrai. Très marrants. Dans Sogeking, tu peux rien faire. Ouais, et typiquement, il a comparé Jiram quand même. Un des personnages, donc Tony Chopper, ne sait pas se cacher. Et en fait, il a l'impression de se cacher derrière un mur, mais en fait, il se cache dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il a vu. C'est très très marrant dans la série, et c'est vrai que cet aspect-là. Et quand on le flatte, il ondule. Il ondule beaucoup parce qu'il supporte très mal les compliments. C'est très drôle. Et je pense que ça participe aussi au succès de One Piece, qui est pour moi le manga qui associe le mieux tous les aspects positifs. C'est-à-dire, les scènes de combat sont hyper fortes, graphiquement et tout. Tout ce que ça englobe en termes de notions de liberté, de fraternité, joue forcément. Mais l'humour est une composante totale au succès de ce manga, c'est évident. Oui. Pauline, Pauline Croquet ? Je rejoins Dedo, c'est vrai que même les personnages, quand on ne connaît pas la série, qu'on regarde les affiches, on ne comprend pas, c'est hyper loufoque, c'est très caricatural, il y a des costumes dingues, des expressions de visage, c'est presque cartoon le début de One Piece. Pas loin du gag manga. Oui, d'ailleurs le personnage est élastique et ça se prête à toutes les déformations possibles et inimaginables. Quand même, le mangaka, il est parti au départ en se disant « Ok, je vais faire une série hyper longue parce que j'ai de l'ambition avec un mec élastique. » Déjà, le gros défi. En sandales. En sandalette et avec... En sandalette, en bermuda. Et un chapeau élimé. Tout en étant charismatique. Leïla. Oui, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu as dit sur le côté humoristique. C'est vrai qu'aujourd'hui, au sein de la communauté, ça fait un peu débat. Parce que plus tu avances dans One Piece, plus tu attends à avoir du sérieux. Et en fait, bah, c'est vrai, je pense qu'on l'a vu dans les derniers chapitres, il y a encore de l'humour. Et en fait, moi je te rejoins, je suis totalement d'accord, c'est quand même l'essence de One Piece. Clairement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, y a ce fait, ça fait débat au sein de la communauté. Est-ce que Oda devrait continuer à mettre de l'humour dans One Piece? Alors, quand même, c'est la base, tu vois. Mais il continuera. Oui, et puis, il continuera, c'est logique. C'est un fan de Rakugo, le gars, c'est un nerd de l'humour. En fait. Et puis, de manière globale, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas à nous. Oui. Ah mais clairement, dire à Oda ce qu'il a envie de faire. Voilà, je pense que ça fait 24 ans qu'il fait le truc. Non, puis, moi, à 24 ans, si je travaille pendant 24 ans sur un truc, tu peux dire ce que tu veux, frère. Mais je m'en bats la race. Je fais ce que je veux jusqu'au bout. Cette soupape là, elle est importante dans les moments hyper présents de combat. Si on décompresse pas avec de l'humour, s'il y a que des valeurs Neketsu et qu'à un moment on rigole jamais, même dans la vie, ça fonctionne pas. Tout le monde se tue. Et d'ailleurs, je pense même que c'est un schéma qu'on retrouve dans beaucoup de fictions. C'est-à-dire que souvent, quand on présente quelque chose de triste, ça c'est une sorte de schéma narratif très usé jusqu'à la corde en France. Il va se mettre à faire gris, il va y avoir un filtre gris, on va te filmer le nord, ça va être tout blanc, tout gris, etc. Il y a quelqu'un qui se fait lourder, il se met à pleuvoir. Alors qu'Almodovar, qui raconte des histoires des fois vraiment mais déchirantes, il va le faire avec des robes magnifiques, sous un soleil, pour montrer que finalement l'environnement et la beauté trouvent son chemin, même dans des histoires très très tristes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans One Piece, où il y a ce contraste, ce côté sucré-salé en permanence, où tu as quelque chose de déchirant, et en même temps, à côté, à l'autre bout du territoire, quelqu'un qui va faire un truc ridicule, mais parce que c'est ça. Quiconque a connu des pertes dans sa vie de tous les jours, sait très bien qu'il y a toujours un moment donné, dans un deuil, eh ben, où tu vas rire, peut-être nerveusement, mais parce que tu entends un truc, et tu es content de te raccrocher à ça, et finalement, l'humour dans quelque chose qui t'émeut au possible, et ben c'est aussi ça le grand talent de One Piece. Donc c'est pour ça que je pense que ce débat il devrait embrasser cette diversité qu'il y a dans l'œuvre de Oda. Enfin voilà, ça c'est... Il devrait même pas exister ce débat. Moi je suis d'accord avec toi. Ça rajoute de la fraîcheur, moi j'aime beaucoup. Oui, oui. Alors on a Maïwenn et Nicolas au téléphone. Bonsoir Maïwenn. Bonsoir. Vous vouliez parler de tout ce que les mangas avaient pu apporter dans votre vie. Moi personnellement les mangas ça m'a sauvé la vie parce que en soi j'arrivais pas trop à m'intégrer et grâce à ça je me suis fait quand même pas mal d'amis au fur et à mesure de mes déménagements. Donc déjà je trouve que par rapport à ça les mangas ça offre beaucoup d'espoir pour les jeunes d'aujourd'hui qui savent pas forcément comment se situer dans cette société. Qui est assez dur à comprendre, on va dire. Vous avez quel âge, Maïwenn ? J'ai 21 ans. D'accord. Et puis après, je voulais parler de One Piece parce que, comme tout le monde qui appelle, je pense, ce soir, je suis aussi une grande fan. Et ma maman était gentille, elle m'a acheté aujourd'hui le 100e tome. Donc, hâte de le lire. Oh, big up à la maman. Ouais. Voilà. Et Maïwenn, ça fait longtemps que vous lisez des mangas ? Depuis que j'ai 12 ans. Mon premier manga, c'est Fruit Basket. Oui, excellent. Excellent. Bon choix. Et dans One Piece, particulièrement, il y a un personnage qui est à vos faveurs ? J'aime beaucoup Nami. Elle me fait beaucoup rire à taper sur les garçons quand ils font des bêtises. Ça, c'est très drôle. Et puis, quand elle fait genre qu'elle est sérieuse, qu'elle va s'y mettre et qu'elle combat, mais en fait, qu'elle fuit, c'est très drôle aussi, ça. Oui, oui, c'est-à-dire qu'elle veut bien faire partie du groupe, mais il y a toujours un moment donné, je vais quand même me mettre à l'abri. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils ont quand même l'air très dangereux. Je suis sûre qu'elle va faire bientôt un gros big up et qu'il ne faut pas la sous-estimer. Ah ben c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, c'est aussi l'intelligence de One Piece, c'est de montrer qu'en dehors du schéma habituel, du personnage principal qui évolue, devient de plus en plus fort, chacun à leur échelle ont une évolution où ils deviennent les spécialistes de leur domaine respectif. Et Nami, elle l'a déjà prouvé à de nombreuses reprises. Oui, ça c'est sûr. Elle les a beaucoup sauvés dans certaines situations quand même. Merci beaucoup, Maïwenn. Bah, merci à vous. Passez une bonne soirée. À vous aussi. Force à toi, Maïwenn. Et alors, on est aussi en ligne avec Nicolas. Donc, je rappelle que c'est une nuit manga qui est retransmise à l'antenne, mais aussi sur Twitch en direct. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 01 45 24 7000. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous laisser des tonnes de messages sur le chat. Là, ça défile avec Lulu, la modératrice consacrée à Twitch. On voit passer tout ça. Et là, maintenant, on a Nicolas en ligne. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Bonsoir. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes fan de manga ou plus spécifiquement de One Piece ? Alors, très largement de manga et beaucoup de One Piece. Je pense qu'il est très facilement dans mon top 3, top 2 des trucs que je préfère. Ça va faire 20 ans que je lis du manga. J'ai commencé début des années 2000. Et puis, vous avez quel âge, sans indiscrétion ? Presque 30 ans, mon dieu. Bon, ça va, hein, ça va. Là, c'est encore un âge où on peut le dire tranquillement. Hein. Faut... Bah justement, c'était toute l'idée du témoignage, c'est que quand j'ai commencé à en lire, en fait, et je pense que je dois pas être le seul dans ce cas-là, je suis trop jeune pour avoir connu le Club Dorothée au sommet de sa gloire, mais trop vieux pour avoir connu les mangas au sommet de leur gloire. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé le manga, c'était un peu la honte. C'est-à-dire que peu importe ce que vous lisiez, dans mon cas c'était One Piece et Fullmetal Alchemist, on était forcément ramenés à Pokémon, à Yu-Gi-Oh!, à des trucs vachement plus enfantins, vachement plus marketing, que tout le monde connaissait et qui étaient matraqués. Et du coup, bah, c'était un peu la honte, il fallait un peu cacher qu'on était fan de manga. Et puis aujourd'hui, bah, moi, ma femme, on en lit, mes sœurs aussi, et je pense que ma fille en lira aussi, j'espère. Et du coup, mine de rien, il y a quand même une légitimité culturelle qui est arrivée avec l'âge du public grandissant, et c'était ça qui était intéressant, je trouvais. Tout à fait. Et votre personnage favori ? Je vais rejoindre Dedo, c'est le duo Usopp et Chopper, ou vraiment, enfin... Ok, donc ce soir, personne n'a décidé d'être Team Sanji. Oui, je sais. Si, il est très bien, je valide. Il est effectivement complètement top tier. Ah, L'humour absurde de Chopper et de Usopp, c'est vraiment, c'est le décalage à chaque fois qui me fait tout le temps rire. Bon, Nicolas, et si on jouait un petit peu à un quiz ensemble, parce que c'est une nuit manga. Voilà, donc ça, oh là là, il y a de la ça, production bien quand même. À 22h34, j'étais pas prêt. Il y a des moyens. Complètement. Cette réalisation. C'est incroyable. Donc, on va faire un quiz. Et vous savez, j'ai longtemps officié dans la bande originale de Nagui. Et Nagui qui présente N'oubliez pas les paroles. Donc, vous me voyez venir. Ah, oh. Oh mon dieu. Oh. Il va falloir s'entendre. C'est fini. Oui. Et en plus, vous n'avez pas connu le Club Dorothée, si ? De réputation, mais jamais regardé en fait. Et ben alors, de réputation, il va falloir retrouver les paroles. Alors autant vous dire que j'aimerais pas être à votre place. Alors je fais une petite incruste, mais du coup ça ne va pas s'entendre dans Twitch. Étant donné qu'on est obligé de couper la musique sûr, les droits. Bien sûr, pour les droits d'auteur. Voilà. Mais oui, tout à fait, parce qu'il faut respecter les droits d'auteur sur Twitch. Tout le monde est c'est ça. Voilà. Écoutez, Twitch, il va y avoir une petite musique d'ascenseur. Il faut passer sur France Inter temps du quiz, et ensuite vous revenez sur Twitch. Et ensuite, vous connaissez le principe. Il y a une radio d'un côté, un ordinateur de l'autre. Je pense que vous allez vous en sortir. Sinon, moi, je fredonne en même temps. J'allais le demander, est-ce que quelqu'un peut bruiter faire un petit peu de... Voilà, c'est incroyable. On est tellement pas prêts pour la radio du 21e siècle. Donc, vous êtes prêts, Nicolas ? On va essayer. Donc, vous allez entendre un générique, ça va s'arrêter, et il faudra trouver les mots qui manquent. Et si jamais vous les trouvez, s'il y a deux reprises, vous repartirez peut-être d'ici avec un cadeau. Oh là là. n'a pas du gain, tout de suite. Oui, en même temps, vous avez... tu vas voir le cadeau, tu vas être tellement déçu. Non, en plus, c'est des beaux cadeaux. Ouais. C'est des beaux cadeaux. Allez, c'est parti. Autour de la table, vous pourrez l'aider. Hein. Non. Oui, oui. S'il trouve pas, là, il est nu. Non, c'est mort. Oh, c'est mort. Il y a moyen de le revoir. Là, non. On peut le remettre. On va le remettre. On va le remettre et après, on vous aide. C'est super bien, hein, Nicolas, c'est exactement ça. La quête de film. Ah là là. Alors oui, Ariane, merci, mais oui. Alors le. Il y a Cédric Despapes qui veut vous filer un coup de main. Je vais aider. Cédric, responsable adjoint éditorial chez MangaCast. Cédric Despapes, on vous écoute. C'est... La quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Venues des étoiles. Eh ben oui. Mais alors là, vous l'avez pas aidé, en fait. Vous avez donné la réponse. Parce que je sentais qu'il cherchait ça vraiment. C'est une aide, hein. Parce que si moi j'aide mes enfants à faire leurs devoirs comme ça, autant que j'aille passer l'examen à leur place, en fait. Bah, si vous pouvez, faites-le. Hein. Donc là, en soi, Cédric repart avec les cadeaux. Alors ça marchait comme ça. Oui, c'est Cédric qui repart avec les cadeaux. On vous donne une deuxième chance. Et il faudra l'aider cette fois-ci, pas lui dire. Il n'y a pas une deuxième chance. Eh Nicolas, c'est toi qui nous dois tous un cadeau. Non, je l'aurais pas. Non, je l'aurais pas. Je vais pas t'aider, je connais pas la suite, hein, en revanche. Ah, là, il y a Cédric qui vous abandonne. Je me souviens juste, je crois, la lutte infernale. Je donne pas. Il y a Gorak, dit Gorak, ça marche toujours, il est dedans. Si j'avais été malhonnête, j'aurais été ouvrir un ordinateur et chercher les paroles tout de suite, bien sûr, mais non. Une fois j'ai dit à un prof, si j'avais voulu, j'aurais triché, et il m'a quand même mis zéro. Il m'a dit, c'est bien, tu es honnête, mais tu t'es mauvais quand même. Oui, complètement. Et donc en fait, la réponse, on va l'écouter. C'est la lutte infernale. Non, on va pas l'écouter. Moi je dirais... Ah, c'est bon, c'est la lutte infernale. Oui, et après des dos. Moi, je dis que c'est d'une petite fille d'un enfant animal. Exact. Bah, c'est complété, en fait. Et ben voilà, bravo, Dedo, Oui, et donc Dedo, logiquement, c'est toi qui repars avec un cadeau, mais est-ce que tu fais don de ton cadeau à Nicolas? Oui, avec grand plaisir. Ça dépend ce que c'est. Attends, c'est quoi le... Je te connais. Si c'est un bitcoin, franchement, je préfère mon gars. C'est pas des bitcoins. Ok, d'accord. Bah non, c'est bon, je laisse. Bon, bah Nicolas, Dedo vient de vous faire gagner. Un bitcoin! Non, un petit coffret collector avec plein de choses. Voilà, concernant One Piece. Adorable. Franchement, merci beaucoup. Voilà, bah merci à Dedo. Hein. Plaisir, bravo et à toi. Plus, moi, je le connais vraiment. C'est rare de voir autant de gentillesse en lui. Non, vraiment. C'est le mois de Noël, c'est pour ça. Oui. Bon, bah voilà. Je peux faire un retour. Est-ce que je peux lui faire une pub en échange? Allez-y. Ah, pour son excellent podcast à Dedo avec Urbain de Topito sur les Fucked Up Movies, où vraiment c'est une tuerie. Faut absolument continuer ça. Faut regarder ça, c'est génial. Merci faut beaucoup. Faut écouter ça, c'est génial. Ah, ok. Donc en fait, vous êtes de la famille de Dedo. C'est pour ça. Ah, c'est super bien rodé, votre truc. Ouais. Incroyable. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, maman. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Alors, on a eu l'occasion d'entendre pendant ce jeu magnifique durant cette nuit manga sur France Inter. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000. On a eu l'occasion d'entendre Cédric Despapes de MangaCast. Donc, on vous a déjà entendu pour le podcast Blockbuster sur One Piece. Donc, aujourd'hui, c'est la nuit manga. Qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs sur cet événement? Et déjà que ça fait une heure et demie que je suis là et que j'ai levé la main plein de fois. Tu as évité le premier. Et vous étiez dans mon angle mort. Bah oui, ça. Avec des dos. Bienvenue en démocratie française. C'est ça. C'est ça 2021. Mais ouais. Non, mais il y a des gens qui parlent dans l'oreillette, il y a Twitch là. Non, mais je rigole. Déjà à la maison, je fais pas deux trucs en même temps. Donc là. Non, disons déjà que c'est une super nuit, moi je trouve, pour l'instant. Je commence à brosser un peu dans le sens du poil. Et alors attends, j'avais pris des notes sur tout ce qu'on a dit, je voulais revenir au-dessus. Non. Pas de parole pour vous. Oh là là, non, mais moi il y avait un truc sur lequel on parlait avec Dedo en off, ce que je trouvais intéressant, on parlait du rapport des personnages féminins et du fanservice, mais il y a un truc qu'on n'avait pas dit, c'est que c'est pas propre à la diégèse du manga, dans le sens que, à part Sanji, qui est un peu, c'est le français, il les drague gentiment en plus, plutôt gentilhomme. Les autres membres de l'équipage ne font jamais de remarques sexistes, il n'y a jamais de connotation sexuelle sur les deux personnages féminins. Et du coup, le côté sexy de ces personnages, il vient plutôt de l'auteur qui leur donne des tenues affriolantes ou qui leur fait des courbes généreuses, et donc du rapport du lecteur à l'auteur directement. Mais quasiment aucun personnage héros ou positif ne fait allusion à un fanservice assez éhonté. C'est plutôt les méchants ou certains antagonistes. Et je trouve que c'est quand même un truc plutôt rare dans beaucoup de shonen, c'est pas ça. Les héros, ils aiment bien justement aller vers les nanas et pas trop là justement. Oui, d'ailleurs, il y a aucune, enfin, il y a très peu de, il y a pas de romance entre dans les, non, l'équipage. Pas dans l'équipage, en tout cas, non. Non. Il n'y en aura pas. C'est plus chez les fans qui interprètent certains regards. Moi, je sais que pendant très longtemps, je m'étais mis dans la tête qu'il y avait quelque chose entre Nico Robin et Zoro. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était moi qui m'étais. Oui, c'était moi. Il y a plein de gens. Mais oui, moi aussi, pareil. Hein. Mais oui, je me disais, il y avait un. Tu sais, c'est deux personnages froids, dans leur coin, qui se regardent mystérieux. Et je ne sais pas. Ils se parlent tellement jamais, en plus. Je veux dire, il s'ignorait tellement, ça me rappelait toutes mes tentatives. Et je me dis, ah, et franchement, une femme qui t'ignore comme ça, c'est quelqu'un qui t'ignore, en fait. Mais, mais j'avais, il y avait cet aspect-là. Vous avez la parole, Cédric, il faut continuer. Oh bah, il faut continuer. Que dire à part que, One Piece, c'est une pierre angulaire du manga, on a cité énormément d'exemples. Moi, il y avait un autre truc sur lequel je voulais rebondir un peu, c'était les classifications, ce qu'on appelait shonen, shoujo, en disant qu'il fallait que ça disparaisse. Moi, je suis pour que tout le monde lise. Le fait que ça disparaisse, ça m'embête pour une simple raison. C'est comme si dans le cinéma, on disait on va enlever le genre et l'origine d'un film, en fait. Et moi, je trouve que c'est important de savoir d'où vient une œuvre pour comprendre culturellement comment elle s'est développée. Et comprendre que, par exemple, on parle de la romance, il y a des shonen de romance, des shoujo de romance, le traitement n'est pas pareil, la mise en scène n'est pas pareille. Et c'est intéressant, quand on s'intéresse vraiment à la bande dessinée, au manga, de voir l'évolution de ces genres-là à travers les âges, à travers les générations d'auteurs et de comment un lecteur va être influencé par ces trucs-là. En revanche, clairement, on peut tous lire de tout et c'est ça qui est le plus cool, moi, je trouve. Et on a Freddy au standard qui veut justement nous parler du manga en général. Et il a inventé une application particulièrement efficace pour les amateurs comme moi de manga. Bonsoir Freddy. Bonsoir. Alors, on vous écoute. Eh ben moi, j'ai créé une application qui s'appelle Manga Collect. Donc, ça permet de gérer sa collection de mangas sur iOS, Android. Et ça fait automatiquement... ça nous dit quel tome il nous manque dans notre collection. Et ça nous fait automatiquement un planning en fonction de ce qu'on possède dans notre collection. Et imaginons, j'ai acheté 10 tomes d'une série. Il va me dire que le 11 et le 12, eh ben, il faut que je les complète. Elles sont déjà sorties. Et le 13, il sort en janvier, par exemple. Oui, alors il faut préciser, parce que là, forcément, les auditeurs se disent « Mais ça sert à rien, ça, une application ?» Si. Je peux vous assurer que quand on fait plusieurs collections, et comme c'est le cas pour de nombreuses personnes autour de cette table, il peut arriver plus souvent qu'à son tour de se retrouver devant un manga en se disant « Mais je l'ai acheté, je l'ai pas, bah, je le prends. » Et en fait, quand on rentre à la maison, on se rend compte qu'on l'a déjà acheté deux fois. Et on dit « Oh bah non, j'en ai trois maintenant de ce tome-là. » Donc, ça, on peut se dire « Ah bah, c'est un gadget. » Non, c'est vachement utile. Parce qu'après, il faut expliquer à son épouse pourquoi. On a trois fois le tome. Mais pourquoi c'est France Inter, ils envoient des trucs. C'est pas toi qui l'as acheté trois fois, t'es pas con comme ça. Non. C'est mais ne regarde pas le compte commun. Oui. Elle veut plus. Elle veut dire, on fait chacun un compte à part. C'est, oui. Donc, Freddy, c'est une très très bonne idée. Mais comment vous avez eu l'idée de faire ça et surtout comment vous l'avez réalisé? Alors, l'idée en soi, elle n'est pas nouvelle. Ça existait déjà, il y avait des sites qui faisaient pareil. Mais il n'y avait pas sur application mobile. Surtout sur iPhone et Android qui est partout. Et moi, c'est mon métier d'être développeur d'applications mobiles. Et du coup, j'étais un peu frustré de pas avoir mon application dans la poche, justement, d'être en librairie et pas acheter un tome en double, qu'elle marche aussi même quand il n'y a pas de connexion. Parce que des fois, dans une boutique, il n'y a pas toujours de connexion Internet. Et je l'ai créé un petit peu sur mon temps libre, le soir, le week-end. Je suis même après passé freelance pour avoir un peu plus de temps et de la développer. Et aujourd'hui, j'essaye d'en vivre, simplement. Je suis pas une start-up, j'ai pas levé de fonds, mais j'essaye d'avoir une appli utile. Surtout, j'ai pas fait de publicité, je sors pas d'une école de commerce ou quoi, mais c'est vraiment les gens qui font tout le partage sur les réseaux sociaux, qui la recommandent à leurs amis et tout. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai bien vu aussi le boom du manga dans les inscriptions. À la sortie du premier confinement, j'ai eu beaucoup d'inscriptions, d'ajouts dans les collections, etc. Et du coup, je suis il y a déjà beaucoup d'inscrits, mais je suis vraiment utilisé, quoi. Donc c'est vrai que ça donne aussi la motivation de continuer, de voir que les gens aiment l'application. Et excuse-moi, je vous pose une question. Est-ce que tu es en relation avec les différents éditeurs pour avoir les dates de sortie des tomes, etc.? Alors, pas individuellement. Des fois, je leur envoie des messages quand j'ai un peu de doute sur la donnée. Mais je les récupère de mes partenaires e-commerce que sont BD Fugue et Amazon. Je suis branché dessus pour avoir les changements de date. C'est quelque chose de très compliqué, il y a beaucoup de changements de date, donc ça j'essaie de les suivre pour pas que l'utilisateur, le lecteur il soit frustré quand il arrive en librairie parce qu'il n'est pas au courant qu'il y a eu un décalage de planning, ce qui est un peu fréquent en ce moment. Mais à cause de la crise du carton, c'est ça? Ouais. Ouais. Du carton, du papier, de la distribution, il y a beaucoup de choses. Après, moi, je connais mal un peu encore l'univers de l'industrie de l'édition. Je suis les sorties d'assez près, ouais, pour les mettre à jour. Après, moi, je range dans ma base de données et vraiment, je trie les tomes par édition, par série, etc., qu'elles soient vraiment bien rangées. Il faut pas que ce soit le tome de l'autre édition de la même série qui existe qui soit poussé, quoi. Il y a Lulu qui veut intervenir. Alors, on a une question dans le chat qui est: pourquoi le manga est tellement plus cher en France qu'au Japon? Je m'adresse au libraire. Christophe Lénin, libraire de la librairie Ayaku. Pourquoi? Parce que l'éditeur au Japon, il est propriétaire de son œuvre avec l'auteur. C'est eux les créatifs. Donc quand le titre arrive en France, il est acheté par un éditeur qui loue en gros le titre. Donc forcément, cette location a un coût. Et c'est pour ça qu'on passe de 4 euros, alors je traduis directement en euros, de 4,50 € à 6,90 €. C'est pas non plus énorme pour tout le travail qui est effectué pour le franciser. Traduction, adaptation, l'édition, la création. Enfin voilà, il faut tout refaire de A à Z pour que le produit arrive pour le français, quoi. Ok, très bien. Benoît Huot, responsable des éditions Glénat. Et je voulais aussi apporter un autre point. On a dit en début d'émission que le marché du manga au Japon est 17 fois plus important que le marché du manga en France. Ça veut dire qu'on n'a absolument pas les mêmes chiffres de tirage chez l'imprimeur. Et donc, mécaniquement, quand vous avez des chiffres de tirage en France qui sont 10 à 17 fois plus faibles, votre prix de revient à l'unité est plus élevé que le prix de revient au Japon. Donc forcément, votre prix de vente doit être plus élevé. Alors, moi, j'ai une question. Unaïmin. Parce qu'à chaque fois, j'entends, on dit que la France, on est le deuxième plus gros consommateur de manga au monde. Mais ça veut dire que le Japon, la première marche, 17 fois plus que nous. Exactement. En fait, on a tendance à considérer, on est le deuxième, on est juste à côté du podium. Effectivement, on est sur la deuxième marche du podium. Sauf qu'en fait, lorsqu'on regarde les chiffres de vente au Japon et les chiffres de vente en France, on n'est pas du tout sur les mêmes créneaux. Je vais vous donner un exemple tout simple. Le Weekly Shonen Jump, donc le magazine dans lequel est publié One Piece chaque semaine, on est sur un tirage entre 1,2 et 1,9 million d'exemplaires par semaine. Okay. Par semaine. Donc on en est encore très très loin en France, même si effectivement One Piece carte. Là, on a senti le responsable qui a vu le reste du chemin à parcourir. Même si One Piece, Carton. Parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes. One Piece à propos? Pardon? On a combien par tome? C'est difficile parce que je veux dire, un tome 1, forcément, on l'a vendu davantage qu'un tome 100, puisque le tome 100 est sorti qu'aujourd'hui. Le tome 1. Il faut savoir que le tome 1, on a dépassé cette année le million d'exemplaires simplement. Okay. C'est déjà bien. Oui. C'est déjà très bien. Mais voilà. Juste pour le tome 1 qui est sorti depuis plus de 20 ans, on a dépassé que, entre guillemets, le million d'exemplaires. Pour l'année 2021, One Piece, c'est 3,4 millions d'exemplaires. Ouais. C'est quand même très respectable. Tous les tomes, c'est pour ça que j'ai dit One Piece. Un tirage de One Piece au Japon quand il sort, un tirage de One Piece sort au Japon, quand un nouveau volume, on est aux alentours de 4 millions, 3 à 4 millions, le volume juste en distribué, quoi. Donc on est vraiment très très loin des chiffres en France. Moi, je voudrais juste revenir sur One Piece général, en termes de chiffres, c'est 3,4 millions sur l'année 2021. My Hero Academia, c'est 2,5 millions. Et Naruto, donc de façon globale, donc il n'y a pas nouveau de volume, puisque terminé, c'est quand même encore 2,2 millions. Oui, c'est ce qui reste très très important. C'est énorme. Voilà. Et alors, justement, vous parlez de Naruto, ça veut dire que Boruto, qui est censé être la suite officielle de Naruto... Il n'apparaît pas. Non, il n'est même pas dans le... Non, okay. Laissez-le tranquille. Oui. Mais il se vend, vraiment. Oui. Mais pour l'instant, ce n'est pas le grand frère. Baitel, nous avons Baitel qui était dans les tribunes, mais qui fait une entrée remarquable. Juste rajouter pour Boone, pour que tu comprennes un petit peu comment le marché du manga évolue au Japon. Pour t'expliquer, aujourd'hui, il y a une série qui s'appelle Jujutsu Kaisen, qui a eu obtenu un animé sur l'année. Actuellement, il est vendu, donc il y a un top chaque année, qui s'appelle le Top Oricon, qui est le top le plus consulté par les Japonais, qui va centraliser toutes les données. Il est vendu, à l'heure actuelle, il y a eu plus de 30 millions de tomes vendus sur l'année 2021. Voilà, pour t'expliquer à peu près à quel point la différence entre le Japon est juste gigantesque, en fait. Tout ça pour dire, s'il y a des arbres qui nous écoutent, on est deux. Alors il faut savoir que Beitel, qui est streamer, fait souvent des incursions dans les conversations, mais n'importe où, pour donner une information pertinente, et il s'en va. Moi, je me rappelle d'un réveillon il y a 3 ans. J'étais avec mon beau-père, et tout d'un coup, Beitel est apparu, et il a dit, mais vous savez qu'en 1964, et il est reparti, il a séché tout le monde, et vraiment, je conseille vraiment d'avoir un Beitel streamer autour de soi, parce que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. T'es comme un paquet de l'info. Oui. Ah, attendez, Dedo. Oui, alors on parle depuis quelques minutes de chiffres assez faramineux. Justement, j'aimerais revenir à la question qu'on a failli aborder tout à l'heure. Est-ce que, en tant qu'éditeur, déjà, évidemment, on est à la recherche perpétuelle du nouveau gros succès. Est-ce que là, il y a des pistes pour cette année, voire les années à venir, sur ce qui pourrait devenir un éventuel One Piece? Alors oui, il y a des pistes. Alors déjà, en termes de production éditoriale... Benoît Huot, responsable des éditions Glénat. Voilà. Déjà, en termes de production éditoriale, on ne raisonne pas forcément en mode « il faut un nouveau One Piece » parce que, je dirais, le propre d'un lecteur lorsqu'il va en librairie, c'est de chercher une histoire qui l'intéresse. Et je veux dire, si One Piece s'arrête, on ne va pas se dire « bah tiens, il me faut un nouveau manga de pirate parce que j'ai besoin d'un manga de pirate ». Donc, c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu du mal avec la notion de successeur parce que deux histoires qui sont totalement différentes peuvent tout à fait rencontrer le succès. Là, ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, on a One Piece qui caracole en tête des ventes, et on a pu constater, ne serait-ce que pour l'année 2021, un énorme boom autour d'une autre série qui est Tokyo Revengers. Qui est une série qui n'a, on est d'accord, rien à voir avec One Piece. Qui est une histoire quand même. C'est un genre qui ne vendait jamais. Voilà. Le Furio. Voilà. Voilà. Le Furio est un genre qui ne vendait pas, ou très peu, voire pas du tout. Et là, effectivement, Tokyo Revengers, explosion totale. Et donc, c'est un manga de racaille et de voyage dans le temps en même temps pour la faire extrêmement. Ah, oh, c'est les meilleurs. Voilà. Il y a plein de gens qui aimeraient renvoyer les racailles dans le temps. Effectivement. Quand même, c'est un programme politique. Et effectivement, rétrospectivement parlant, lorsque Glénat a acquis les droits de Tokyo Revengers, la série était vraiment très loin d'avoir explosé au Japon. Il n'y avait pas eu de film live, il n'y avait pas eu de série animée. Et effectivement, lorsque donc Satoko l'a lu, donc notre directrice éditoriale, elle trouvait vraiment que la série était intéressante et a été accrochée à la fois dès le premier tome. Et puis à partir du tome 4, elle a vu que l'ascenseur émotionnel jouait à plein. Donc justement, elle s'est dit, ça c'est un titre qui pour le moment n'a pas explosé, mais qui a un vrai potentiel et j'y crois, donc on va le faire. Et effectivement, lorsqu'on a commencé à sortir Tokyo Revengers, le titre marchait, il avait un petit lectorat, mais pareil, il n'a pas explosé. Et là, on a clairement vu cette année 2021 que c'est un titre qui a explosé. Donc pour répondre à ta question, oui, bien évidemment, en tant qu'éditeur, on est toujours en quête de différentes pépites. Ce qui est important, en fait, lorsqu'on bâtit un catalogue éditorial, c'est qu'on ne bâtit pas un catalogue éditorial que sur des pépites. On bâtit un catalogue éditorial sur une diversité, en cherchant des titres en fonction justement des lecteurs et des lectrices auxquels on va s'adresser. Bien évidemment, si un titre, je dirais, rassemble l'ensemble des suffrages au Japon, il est évident qu'on va s'y intéresser, tout comme les autres éditeurs vont s'y intéresser. Mais te dire, maintenant, voilà, on connaît la nouvelle pépite qui explosera dans 10 ou 20 ans, non. Chaque série, on va dire, est une sorte de pari qu'on fait en conscience. Et bien évidemment que, de la même manière qu'on continue de publier des séries, lorsqu'on a des titres qui s'arrêtent, on en propose d'autres. Mais c'est en ça que je posais la question. Je me disais pas justement quel va être le nouveau, la nouvelle série autour de la piraterie qui pourrait avoir le même succès. C'était plus sur quoi vous misiez éventuellement sur, tiens, ça, dans les années à venir, je sens que ça pourrait être quelque chose qui va plaire à énormément de gens. C'est quelque chose qui est assez particulier parce qu'en fait, de ce qu'on constate, c'est que les publications dans les magazines au Japon sont des publications qui sont, du coup, en rapport avec l'actualité et un thème qui peut paraître, on va dire, finalement assez anodin ou anecdotique maintenant, pourrait au contraire exploser dans plusieurs années. Au début de l'émission, Mathieu disait, voilà, il y a 20 ans, le manga était perçu comme ça, maintenant il est perçu comme ça, 20 ans après, ça s'est passé comme ça. J'avais juste une question à lui demander, et selon toi, quel est le loisir qu'on méprise actuellement qui, dans 20 ans, explosera? Et en fait, on n'a pas vraiment de boule de cristal. On a simplement, on va dire, des sortes de sentiments, des informations qu'on croise. Mais on ne peut pas te dire d'un coup, ça va marcher, il faut à tout prix le prendre. Il y a Pauline Croquet, journaliste du Monde, qui lève la main. Et en fait, les paris sont d'autant plus incertains qu'en ce moment, on se rend compte que dans le Shonen Jump... Merci, Dedo. Dans le Shonen Jump, qui a fait la pluie et le beau temps en matière de shonen et de séries, et aussi d'archétypes narratifs ou... finalement, One Piece emprunté à Dragon Ball, et puis d'autres séries ont emprunté à One Piece. Là, on est dans un rebattage de cartes au niveau scénaristique, au niveau narratif. Il y a des mix énormes de séries, d'influences, de styles, même graphiquement. Il y a énormément de choses qui sont en train de percer. Par exemple, Jujutsu Kaisen, graphiquement, c'est très marqué. On va avoir, on aura peut-être Promised Neverland, c'est encore un autre style. On a Demon Slayer, c'est encore un genre particulier, c'est plus historique. C'est des séries courtes qui se sont terminées. Aussi, voilà, on est aussi dans une temporalité différente, y compris dans l'animé. One Piece, c'est aussi un ovni actuellement, parce que c'est un animé qui a une temporalité un peu traditionnelle. Maintenant, on a des saisons, des saisons assez courtes. Et donc, tout ça, en fait, est en train aussi de créer, un climat d'incertitude sur les paris. Enfin, les paris sont plus que jamais des paris, parce que on ne sait pas ce qui va fonctionner, ce qui va émerger graphiquement, ce qui va faire, ce qui va devenir le nouvel archétype aussi. Et est-ce qu'il y a une angoisse dans le Weekly Shonen Jump, justement, par rapport à ces gros monuments qu'ont pu être One Piece, Naruto, Dragon Ball, qui au fur et à mesure se sont arrêtés. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de saisons courtes, de mangas plus finis. Est-ce qu'il y a cette idée de se dire, ça va être plus difficile de capitaliser longtemps et avec une œuvre locomotive. Moi, je pense. En même temps, si vous ne comprenez pas la question, même moi. Non, moi, je veux me tapoter comme ça. Ouais, vas-y. Tapote. Non, mais je pense pas parce que effectivement, il y a souvent, c'est vrai, ce débat de qui. Donc, Winnie Sensei, créateur de contenu. Je resitue. Merci de me présenter. Tout à fait. Non, c'est vrai qu'il y a souvent ce débat qui revient de qui va être le nouveau One Piece, justement, en termes de longévité. Je pense que c'est ce que voulait dire aussi Dono. Mais Dedo. Dedo, oui, pardon. Parce que Dono, c'est un préfixe japonais, ça, Dono. Mais en fait, je pense que c'est justement comme ça a été cité. On voit des nouveaux phénomènes comme Tokyo Revengers, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, qui sont pour le moment des mangas assez courts. Mais voilà, pour répondre à ta question de base par rapport au Shonen Jump, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la rédaction laisse aussi beaucoup plus de liberté créative, parce que notamment il y a le Shonen Jump Plus qui publie également des mangas comme Chainsaw Man, Spy Family ou Dandadan, qui a beaucoup de hype en ce moment au Japon. Oui. Et qui a beaucoup de liberté créative, et je pense qu'aussi la façon de consommer a beaucoup changé aujourd'hui. C'est un peu, je dirais pas une consommation fast-food, mais le lectorat, sa manière de consommer a un peu changé, quoi. Enfin, maintenant on peut plus dire que dans 20 ans on va suivre une série comme One Piece. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Il faut voir manga aussi. Moi, c'est à ce moment que je mets une droite à Winnie. Manga Plus, pour préciser que c'est la plateforme web et l'application en fait de Shonen Jump, parce que les places dans le magazine, c'est un magazine prestigieux, c'est le magazine de prépublication de manga le plus vendu au Japon. Et donc, en fait, ils ont un site internet qui leur permet de tester des séries avant de les mettre dans ce magazine où la place est hyper chère. On va continuer de parler de tout ça dans la troisième partie de cette nuit manga. Je rappelle aux auditeurs, le numéro, c'est le 01 45 24 7000. Mais tout de suite, on va vous faire une petite pause. France Inter. Frédéric Sigrist. 01 45 24 7000. Et on est de retour pour cette nuit manga, à la fois à l'antenne mais aussi sur Twitch. Une nuit qui fait la part belle aux passionnés de manga, ces bandes dessinées japonaises, voilà, qui existent en France depuis des années, qui cartonnent. Autour de cette table, on connaît des histoires par cœur. Et voilà, et avec cette soirée, on a envie à la fois de rendre hommage à ceux qui ont créé la légende du manga en France, mais aussi de faire découvrir aux auditeurs la magie de cet univers, parce que vraiment, quand on dit « je n'aime pas le manga », non, c'est que vous n'avez pas encore découvert le manga qui vous convient. Et justement, au téléphone, on a Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors Jérôme, racontez-nous votre rapport au manga. J'ai un certain âge, donc ça fait un certain moment que je lis des mangas ou que je vois des animés. Donc j'ai été formé au Club Dorothée comme beaucoup... J'aime bien quand vous dites vous avez été formé. C'est ça. Il y a une armée comme ça de séides qui ont été Dorothée à rien. C'est un centre de formation. Ah, on a été formés, on a quand même appris des valeurs, un sens du courage. Oui, la coke. Non, pas de pitié pour les croissants. Oui, ça c'était autre chose. C'était pas tout à fait des mangas, en fait. Et trop de barbe. Oui, donc voilà, c'est surtout une passion, en tout cas un hobby que j'ai depuis très très longtemps et qui me suit, parce que j'ai commencé One Piece au début, par exemple, au tout début, presque en 2000, donc avec les animés, et j'ai suivi avec les mangas, quoi. Enfin, c'est juste une occupation qui permet de rencontrer des gens et de se dire que d'autres personnes arrivent à avoir ces telles envies de justice, ça forme, voilà. Et vous avez commencé dès le début de la parution en France, ou c'est arrivé un peu plus tard, pour One Piece par exemple? Non, j'ai commencé par les animés d'abord. J'ai dû faire j'ai dû commencer au 20e, le 20e est sorti à peu près, j'ai tous fait d'un coup. Et en fait, à l'époque, j'avais pas trop de sous pour acheter les mangas, j'étais encore assez jeune et étudiant. Donc, j'en récupérais avec des amis, et c'était assez, galère pour avoir la suite. C'était un peu compliqué à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup plus simple qu'avec tout ce qui était Internet et la démocratisation du manga, parce qu'avant, on était un petit peu geek. Et donc, on pouvait pas en trouver dans les grandes surfaces, quoi. Maintenant, tous les gamins, ils peuvent en trouver, c'est génial, quoi. Et justement, cette évolution de l'image du manga et même de la reconnaissance, parce que effectivement, pendant très longtemps, on était un petit peu perçus comme marginaux. aujourd'hui, c'est devenu, c'est pas un hasard si on fait cette émission et si de plus en plus de médias généralistes s'intéressent à l'animation japonaise et au manga. Parce que moi, je sais que c'est un petit peu le cas pour les comic books. Est-ce que vous avez des fois le sentiment d'être un petit peu dépossédé d'un truc pour lequel vous étiez le premier? Pas du tout. Donc il y a que moi qui suis un vieux con. c'est bien, c'est important. Non, là-dessus, je me dis, enfin, quand je vois tous les gamins qui ont de 6, 7, 8 ans, qui regardent des mangas, donc qui regardent des animés, qui lisent des mangas, qui ont justement ce type de valeur, de ce courage, de nous faire des kamehameha avec des personnes qui ont 25 ans de moins, c'est quand même assez drôle. Donc, moi, je trouve ça super bien, en fait. Et alors, c'est très intéressant parce que sur le chat, en même temps, il y a Piushi qui dit « Mais elle a tant évolué que ça, cette image ?» Et alors ça, c'est typiquement la réaction de quelqu'un qui n'a pas connu les prémices de l'image du manga en France. Et là, je me tourne vers Christophe Lenain, donc libraire de la librairie Ayaku. J'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que ça représente, cette émission, pour vous ce soir? Parce qu'il y a quand même un chemin de fou qui a été parcouru. C'est énorme. Les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui. C'est facile de trouver du manga absolument partout. De l'animation, c'est accessible de façon plus que simple. Hein. Smartphone, tablette et autres. Hein. C'est clic et média. Et pour avoir vécu le démarrage, hein, je ne suis pas prophète, mais dans les années 90... nous, nos façons de se procurer notre passion, c'était des VHS en import, transcodés. Le premier animé japonais à être arrivé en France, je me souviens, c'était La Légende de Lemnir, et c'était un événement, une VHS en 94. Et là, il y avait des sous-titres en français. Sous-titres en français. Pour ceux qui voulaient vraiment rentrer dans le vif du sujet, avant même que des éditeurs officiels soient là, nous, on s'abreuvait de VO. Donc, est-ce que c'est conceptuel aujourd'hui de se dire, putain, ils regardent en VO, ce qu'ils comprenaient? En fait, on comprenait ce qui se passait. Et c'était souvent, c'était en plus des conversions de format NTSC, oui. Parce que comme au Japon, tout était filmé au caméscope, donc il y avait un transfert qui était fait pour que ça soit sur des cassettes VHS. Il fallait que on attende que ça arrive en France. Et donc, en fait, chaque épisode qu'on regardait en version originale non sous-titrée était interrompu par les publicités de l'époque japonaise pour Gulico. Et on comprenait strictement rien, mais on regardait ça fasciné. Alors, on regardait ça si on y arrivait très bien, parce que les gens ne se rendent pas compte que le transcodage était entre bleu et vert. Oui. Donc c'était absolument dégueulasse. Mais nous, on était en kiff total. Enfin, voilà, c'était, et les mangas qu'on arrivait à voir au tout début, enfin en tout cas ceux qui n'étaient pas forcément sortis, étaient achetés en VO. Donc aujourd'hui, je trouve ça juste énorme en tant que libraire spécialisé manga, que ça se soit autant démocratisé. De cette époque où je dirais qu'on était on était là au début, mais on n'a pas s'accaparé ça. C'est la rançon de tout ce qui a été fait en amont pour qu'on puisse aujourd'hui dire tout le monde peut en profiter. Cédric Despapes de Manga Casque. Même moi, je suis entre deux. Je suis un peu plus jeune que vous. Et à mon époque, un auditeur en parlait à un moment. C'est pas que c'était honteux de lire du manga, mais c'est que, comme un peu la BD franco-belge, il y avait un âge, quoi. Il y avait l'âge où il fallait s'arrêter. Et je me rappelle que collège, ça allait. Primaire, collège, ça allait. Lycée, déjà, je sentais que j'étais un peu le nerd, alors que je lisais vraiment les trucs les plus populaires de l'époque, les One Piece et Naruto. Et c'était compliqué d'assumer vraiment d'aimer du manga, de porter des t-shirts ou d'avoir même des petits goodies, des petits autocollants et tout ça. C'est un peu pour un con. Et même le scan à l'époque, parce qu'on donc le piratage illégal de manga, c'était encore très obscur. Moi, je me rappelle, anecdote très personnelle, Naruto, je découvrais, et un pote qui avait l'internet déjà haut débit, lui qui avait pas mal d'argent à l'époque, il m'a dit « Ah mais attends, tu vas voir, après il avait grandi. » Je fais « Quoi, c'est pas vrai ?» Et il m'a photocopié les pages, et il m'avait amené des scans, juste de pages photocopiées, on avait un classeur où on s'échangeait ça, quoi. Donc c'était vraiment une autre époque, quoi. Bitel, et moi, juste pour contraster avec ce que je disais tout à l'heure, on est beaucoup aujourd'hui à avoir des t-shirts, des hoodies qui ont... cette empreinte manga, qui sont même utilisées par des marques comme Celio ou des trucs comme ça, qui sont aujourd'hui des trucs ultra connus et portés par énormément de personnes. Et pourtant, on est tous là à aborder fièrement ça. Enfin, on a une collection SNK qui vient de sortir, Attaque des Titans, qui fait un carton. Enfin, on a plein de choses aujourd'hui qui nous montrent à quel point cette image de personnes un peu reculées dans le fond de la classe n'est plus du tout à l'heure du jour. On est au contraire, on montre fièrement qu'on est fan de manga avant tout, quoi. Et je trouve ça assez extraordinaire de vivre aujourd'hui cette époque-là où on peut montrer fièrement qu'on est amoureux d'un médium pareil. Winnie ? Ouais, je pense que je vais rajouter ce que dit Bitel, c'est que surtout, je pense que c'est aussi dû à l'explosion des réseaux sociaux et les forums, notamment. Enfin, moi, je suis un peu aussi entre les deux. Enfin, j'ai la vingtaine. Et du coup, moi, j'ai vraiment connu l'explosion via les réseaux sociaux, le fait d'échanger. Dès qu'il y a un manga ou un anime qui a la hype, ben, on le partage tous ensemble. Et voir cette communauté-là communiquer tous ensemble, je pense que c'est ça qui a fait que ça a démocratisé le genre, tout simplement. Aurélien Martinez. Moi, j'ai aussi une anecdote personnelle, c'est que quand on était plus jeune, forcément, porter des t-shirts manga, c'était même... c'était l'otaku, c'était le geek, c'était exactement le geek au fond de la classe. Mais malgré tout, il y a aussi ce côté de l'accessibilité aussi. L'accessibilité des animés et des mangas à l'époque n'était pas la même. Il fallait aller dans des librairies spécialisées, avec des rayons un peu obscurs parfois même. Fallait aller pour tout ce qui était animé. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé les animés, il y avait encore le modem. Et donc, fallait attendre 20 minutes. Oui, on parle pas du parti politique. Non, on est sur France Inter, ça va très vite. Quoi, il y avait François Bayrou Non, rien à voir. Non, mais il y avait encore le modem. Et donc, du coup, fallait attendre une heure pour avoir un épisode de 20 minutes. Ah si, on parle vraiment de François Bayrou. Ça s'est démocratisé, il y a eu les plateformes qui sont arrivées, il y a eu de plus en plus de maisons d'édition qui sont apparues, et c'est devenu populaire à partir de là. Mais à une époque, il y avait rien, et c'était même, pourquoi tu regardes ces japonaiseries? Pourquoi le manga? Oui, il faut bien que les auditeurs comprennent qu'il y a eu une époque. C'est pour ça aussi qu'on fait tous un petit peu les traumatisés. C'est pas ma guerre. Voilà. Aujourd'hui, je vois de la lumière. Non, je veux pas que ça revienne. C'est parce qu'à une époque, il y avait des gens qui sortaient au début même d'un Miyazaki en disant encore un truc qui vient du Japon, c'est naze. C'est-à-dire qu'on a vraiment vécu ça avec notamment tout a trouvé sa concrétisation dans un documentaire de Jean-Jacques Benex qui est passé à la télévision à France 2 à l'époque. Où grosso modo, on était tous des déviants en devenir parce que on aimait le manga et ça. Alors après, je pense aussi qu'on aime, on a aussi le culte du martyr. On a beaucoup travaillé nous-mêmes sur cette image. On se réunit en disant, ouais, quand même, t'as vu comme ils parlent de nous. C'est vrai qu'on a joué ça. Mais il n'y avait pas que ça aussi. Il y avait ce côté aussi, le manga, c'est pif paf pouf, Kamehameha, pif paf pouf, c'est fini. C'est pas de la lecture, c'est juste du combat, c'est juste violent. Moi, je m'en rappelle très bien, mes parents, c'était un peu ça. C'est pourquoi tu lis des mangas. Le manga, c'est violent. Le manga, c'est il y a trois dialogues. Ah là là, moi, la seule chose que je vois du manga, c'est pif paf pouf. Voilà, c'était ça pour lui. C'était ça pour mes parents, et voilà, c'était ça à l'époque. Mathieu Pinon, journaliste. Merci. Alors, c'est ce que je retrouvais exactement avec mes parents, d'ailleurs, parce qu'on parlait de japonaiserie, ma mère, bisous maman si tu m'écoutes, ne cessait de répéter que de toute façon, les mangas... Si elle vous écoute à cette heure-ci, c'est qu'elle vous aime vraiment beaucoup. Hein. C'est que, mais j'y compte bien, c'est que les mangas, ce ne sont que des filles à grands yeux avec des jupes ras-le-cul qui se battent dans des robots géants contre des aliens tentaculaires. Donc voilà l'idée qu'elle en avait, et beaucoup partageaient exactement cette idée. Et ça peut arriver. Et effectivement, quand j'étais au collège... Ça dépend des catégories que tu regardes en général. N'est-ce pas ? Mais quand j'étais au collège, je me souviens très bien que regarder les dessins animés, c'était très mal vu, alors qu'il y avait Giga, des trucs comme Sauvé par le Gong, avec de vrais comédiens en chair et en os, c'était beaucoup plus adulte et mature dans la tête de mes camarades. Comme quoi. Et comme One Piece, c'est un peu le fil rouge de cette émission, je trouve que tout à l'heure... Mais le dis, parce que dans le chat, il y a un mensonge éhonté qui dit « Oui, alors si j'ai bien écouté cette émission, le manga, c'est que One Piece. » Non. En l'occurrence, cette émission s'est faite sur la locomotive qui est One Piece, voilà. Et son centième tome. Ça, faut le reconnaître. Et donc, puisqu'on parle de cette locomotive, tout à l'heure, il y a une auditrice qui a expliqué que le manga avait quasiment sauvé sa vie. C'est quelque chose qui est très très marquant, qui prouve qu'il y a vraiment une évolution dans la société, parce qu'à l'époque, pour les fans de manga qu'on était tous, c'était plus, ça tuait notre vie sociale d'aimer le manga. Et là, c'est très marquant d'entendre qu'aujourd'hui, ça peut sauver la vie sociale. Et One Piece est très marquant pour ça, parce que tous les personnages qui vont entrer sur le bateau de Luffy, tous les Nakama, ils sont tous maltraités, ils sont mal perçus par leur entourage avant d'aller sur le bateau. C'est un petit peu des parias, justement. Et Luffy n'en a rien à faire. Il fait, mais venez avec moi, je vous aime pour ce que vous êtes. Et c'est très marquant de se dire que il y a un manga dans lequel le petit mouton noir, le petit nerd du fond de la classe peut totalement se reconnaître dans un des personnages et se dire que oui, lui aussi pourra vivre de grandes aventures et plus tard, quand vous serez plus grand, vous en vivrez, croyez-moi. Pauline Croquet ? Je n'ai pas les récits personnels de chacun. Moi-même, je n'ai pas toujours été en odeur de popularité au collège parce que je lisais des mangas et à plus forte raison en étant une fille. Mais toutefois, je me rends compte qu'on a clairement pas fréquenté les mêmes endroits plus jeunes et on se retrouve aujourd'hui assez nombreux. Et je pense que, et c'est la génération de One Piece, de Naruto qui le prouve, ce que disait Winnie, c'est vraiment l'arrivée d'Internet a permis dans les foyers, donc, et donc des forums, de cette culture du partage, des forums et après donc des réseaux sociaux, a permis de retrouver des pairs. Mais je pense que si on est peut-être individuellement, on se sentait un peu seul, on se rend compte quand même qu'il y avait déjà une certaine... Mais Internet a permis de créer une sorte de classe virtuelle, mais où on avait beaucoup plus d'atomes crochus. C'est ça, en fait, en tout cas, on se retrouve entre pairs, on se rend compte qu'on n'est pas trois clampins à essayer de copier des cassettes pirates. En fait, moi, je m'en rends compte dans l'exercice de mon travail, notamment quand j'ai fait cet article One Piece, c'est que ce récit revient régulièrement, en fait. Donc finalement, c'est un schéma presque, donc c'est qu'on n'est pas si peu nombreux que ça à avoir peut-être... vécu des débuts difficiles dans l'exercice de cette passion. Jérémy Tourza ? Ouais, bah moi je rebondis exactement sur ce que tu as dit. Moi je fais partie de la génération qui a grandi avec Internet et qui, pareil, était un peu le geek. Alors moi j'étais au premier rang de la classe, mais qui était pas forcément très populaire dans l'idée. Et avec Internet, bah c'est dans les forums que j'ai commencé à discuter avec des gens, à parler du dernier scan qui venait de sortir, qu'on se donnait des conseils d'animé à regarder. Et en fait, c'est là que tu commences à te créer une vraie communauté. Et il y a aussi les conventions qui étaient un moment assez incroyable. Nous, en fait, ma génération, on a fait partie de cette génération où les mangas commençaient déjà à exploser, à être sur les grandes chaînes un peu plus de la TNT, très, un peu plus accessibles, qui fait que ça commence à augmenter, ça devient. C'est pas encore quelque chose de très accepté, mais on est là. Et puis au final, on se retrouve en convention. Moi, j'ai fait beaucoup de cosplay et j'ai rencontré énormément d'amis comme ça en créant une amitié ici et là. Et au final, tu crées un groupe Facebook et puis tu continues d'en parler. Et Internet a vraiment permis de rendre ce format et cet art très populaire dans la culture pop. Ben moi aussi, j'ai un ami qui apparaît à chaque fois que je fais une nuit. Pour la nuit Game of Thrones, il était là. Et pour la nuit manga sur France Inter, il est encore là. C'est Ali Badou. Bonsoir Ali Badou. Mais salut les amis, ça va ? Oui, très bien, très bien. Alors j'imagine que vous avez un point de vue aussi sur le manga et une expérience singulière. Je peux me tutoyer en l'occurrence. Oui, vas-y Ali. Ouais, dans le monde du manga, on se tutoie. On se tutoie. Non, non, cela dit, c'est marrant parce que vous viviez, vous faisiez part de vos expériences quasiment sur le mode de la culpabilité. Et moi, j'ai jamais ressenti ça, en fait. Moi, j'ai découvert le manga avec Akira. J'ai découvert le manga avec Otomo. J'ai découvert un monde, mais esthétiquement incroyable, des histoires complètement folles, dont la morale, dont les codes étaient tellement loin, en fait, de la narration occidentale, enfin, de ce qu'on pouvait lire, découvrir à l'école ou en lisant des BD franco-belges. Et pour moi, en fait, le manga, c'est synonyme de bonheur, en fait. Et vous m'entendez là ? Oui, bien sûr, mais on est suspendu à vos lèvres, Ali Badou. Ah, j'espère bien. Je rigole. Est-ce que vous avez déjà commencé à parler de savoir où est le One Piece ? Non, pas encore. Est-ce qu'on a une théorie ? Alors non, on n'est pas encore allé sur le chemin des théories. D'accord, parce que en fait, c'est ça qui est assez dément avec le manga, c'est que ça suscite des conversations, des débats et qui sont géniaux. On peut parler sans fin de Luffy, de la manière dont. Alors non, Ali Badou, vous pouvez parler sans fin. Non, vous pouvez parler sans fin, mais moi je suis un geek trop énervé en fait. À la deuxième phrase qui va pas dans mon sens, je m'énerve. Je dis ah c'est bon, on va mourir. Non mais en tout cas, merci pour cette soirée parce que franchement c'est chouette de parler d'un monde dans lequel on a baigné depuis son adolescence et surtout moi j'ai un mur de manga chez moi. Et il y a des histoires qui sont mais extraordinaires. En fait, c'est fascinant de voir la créativité, l'inventivité, souvent le talent en fait aussi du dessin. Et c'est vraiment une manière de raconter des histoires qui est quand moi je faisais mes études de philo. Il y avait plein de choses qui faisaient écho entre Platon, par exemple, et Urasawa. Oui, tout à fait. Entre Platon et Monster. Oui. La possibilité de disparaître, de devenir invisible et de pouvoir faire ce qu'on veut et savoir si on fera le juste ou l'injuste. Il y a un bonheur du manga en fait. Urasawa qui a aussi repris le personnage de Osamu Tezuka Astro avec Pluto et qui en a fait une version mais qui se suffit à elle-même tellement elle est qualitative. Et c'est vrai que par exemple quand je veux me représenter l'image de la colère, pour moi c'est Akira. Tetsuo. C'est curieux en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui a nourri mon imaginaire au point d'être quasiment japonais. Et c'est très drôle, en fait, d'être marocain, français, et grâce au manga, de se sentir un peu japonais. Eh bien, ce soir, on est tous un petit peu japonais. et merci beaucoup, Ali Badou. Mais non, mais attends, moi, je veux savoir où est le One Piece. C'est sûr qu'on va... Je pense qu'on a tous des théories. moi, j'en ai une. Alors oui, peut-être si c'est le moment, est-ce que vous avez des théories sur ce qu'est le One Piece ? Oui. Ouais, alors allez-y, balancez-les, c'est le moment ou jamais. Hein. C'est sur l'île des snipers. Sur l'île des snipers, dans notre cœur. Voilà. C'est dans notre cœur ? Sur l'île des snipers. Voilà. Non, voilà. Surtout pas. Jérémy Tourza. Ok, les théories sur One Piece, j'en lis depuis que je suis ado. Enfin, sur les forums, on partait en vrille. Et je pense que le One Piece, c'est le monde. Là, actuellement, pour ceux qui ne visualisent pas, le monde de One Piece, c'est quatre mers avec plein d'îles partout et une grande, la grande line, une grande ligne qui est inaccessible. Seulement à partir d'un point, et il faut traverser toute cette ligne pour arriver jusqu'à Raftel, qui est censé être là où est le One Piece. Et moi, je pense que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au centre du monde, il y a le gouvernement mondial qui est là, qui dirige un peu le monde. Et en fait, le One Piece n'arrivera que quand le gouvernement mondial sera détruit, ce qui ferait un monde sans frontières. Et qui se créera un monde sans frontières, parce qu'en fait, Grand Line disparaîtra. Toutes les îles seront accessibles depuis partout. Et Et c'est ça, en fait, le monde ne sera qu'en une pièce. Donc voilà, Ali Badou, le One Piece, c'est un mélange entre un vêtement Benetton et Desigual. Voilà, c'est ce que Jérémy Courza il a expliqué. Les discussions sont sans fin, que ce soit sur One Piece ou sur Naruto, en fait, on n'aura jamais fini d'en parler. Et ce qui est dément, c'est de savoir, enfin de se demander si la fin est déjà écrite ou pas, parce qu'elle est supposée être déjà écrite. Ouais. D'après Oda, elle est planifiée depuis le début. Hein. Mais après, j'ai envie de dire, l'important n'est pas le but, mais le chemin. Voilà. Alors j'en ai vraiment plein des phrases comme ça qui. merci beaucoup Ali Badou. Merci de m'avoir donné la parole en tout cas et bravo à vous et merci en tout cas de parler de manga. Oui. Bah, merci à France Inter de nous donner l'occasion de le faire. Et en plus, on va le faire durant toute la nuit avec un podcast spécial au nom qui fleure bon, justement, Tokyo et le Japon, Yamanote, et qui nous a rejoint, Marie Palot. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous de ce podcast. Oui, alors c'est une demande qui émanait de France Inter qui a compris, on le voit au moyen de cette nuit du manga, et bien l'importance aussi peut-être de rappeler à quel point ça a irrigué et influencé toute la pop culture qu'on aime aujourd'hui, que ça a une place prégnante, que c'est pas une sous-culture, que c'est quelque chose qui se respecte et qui se lit et qui s'écoute et qui se regarde. Et du coup, ils m'ont donné carte blanche pour pouvoir justement proposer une série d'épisodes podcast dédiés à la culture manga que j'ai appelée du coup Yamanote, puisqu'elle a vocation à, comme la loupe ferroviaire de la ligne Yamanote à Tokyo, eh bien, d'effectuer un 360 autour d'un thème. Alors il y aura 9 épisodes ? Exactement. Et alors qu'ils vont parler de quoi, s'il vous plaît ? On a de tout. Il y a des épisodes qui vont parler des 10 meilleurs, ce qui donne à la tier list. Attention que ça. Là, déjà. Mais c'était des débats plutôt civilisés, donc j'étais assez fière de mes intervenants. Il y a aussi un épisode qui est dédié aux valeurs qui sont véhiculées aussi par le manga. On a parlé notamment de la condescendance de la plupart des médias traditionnels, de la défiance aussi des gens vis-à-vis de la culture japanime. Il y a aussi un point d'entrée pour les plus curieux qui savent pas trop vers quoi se diriger. Quelles sont les séries qui sont considérées comme des piliers? Quelles sont les séries qu'il faudra absolument regarder en 2022. Donc voilà, c'est une série audio qui essaie de brasser le maximum de choses pour le rendre accessible au plus de monde. D'accord. Et donc, en fait, ils seront accessibles, le sont-ils déjà ou ils le seront dès la fin cette émission ? Au terme de cette nuit du manga, on aura droit aux premiers épisodes qui ont été montés par une équipe de mains d'orfèvres, hein, pour le citer, qui ont fait un boulot exceptionnel. Et dedans, vous pourrez entendre à la fois du Orelsan, vous pourrez entendre Mamoru Hosoda, vous pourrez entendre Beatle qui est autour de cette table, vous pourrez entendre tout plein de gens passionné, Mathieu Pinon aussi, ah oui, qui était invité, c'est vrai ça, il était là celui-là. Oh, il fait le surprise. Il attendait que ça. Il était là sur l'épisode des pionniers, c'était la table des vieux. Ou l'épisode des vieux cons au choix. Et ben, c'était un des meilleurs épisodes et j'étais ravie de le faire, donc voilà, il y a de tout et pour tout le monde et vous pourrez découvrir les premiers épisodes au terme de cette nuit du manga. Bon bah voilà, au nom de tous les auditeurs férus de manga, merci à vous. Merci à vous de m'avoir permis ça aussi. Et alors au téléphone, on a Urbana, parce que je rappelle que les auditeurs peuvent participer à cette nuit manga jusqu'à minuit. Le numéro de téléphone, c'est toujours le 01 45 24 7000, ça n'a pas changé. Et Urbana, bonsoir. Bonsoir. Alors, voilà, on a déjà parlé de beaucoup de mangas. Parlez-nous un petit peu de votre rapport à l'animation japonaise, au manga. Alors, moi, le manga, j'ai découvert ça avec mes enfants, parce qu'en fait, avec tous les dessins animés, Miyazaki, ma fille joue du piano, elle joue l'air de la princesse Mononoke, bon, tous ces dessins animés-là, hein, mais moi, je suis prof de dessin, et en fait, je donne des cours de dessin manga aux ados et aux enfants des collèges, etc. Et justement, j'organise un concours de dessin bientôt, j'en avais cet après-midi qui dessinait dans mon cours, là, parce que c'est extraordinaire la passion qu'ils ont pour le manga. Alors, évidemment, Naruto, One Piece, c'est les stars. Mais vous en avez plein d'autres. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est d'essayer de voir avec chaque nouvel élève quel est le héros ou l'héroïne qu'ils adorent. Et donc, c'est des futurs mangaka, ces enfants. C'est super beau de les voir dessiner et d'essayer de les conseiller, d'essayer de les aider un petit peu à trouver les lignes, les formes. Et c'est très marrant parce que mon aîné qui a 19 ans, il est dans un jeu vidéo en ce moment extraordinaire avec des dessins absolument fabuleux. Et j'ai imprimé, alors je me rappelle pas encore le nom du héros de ce jeu vidéo, mais du coup je l'ai trouvé très beau et je l'ai fait dessiner donc en l'imprimant à un jeune de 14 ans qui connaît pas encore. Quoi. Donc ça fait des échanges en fait entre les adultes, les enfants, les ados. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Quoi. Je voulais rappeler par rapport aux valeurs et au code moral, c'est exactement ça parce que vous en avez parlé tout à l'heure. C'est vraiment des exemples en fait que les enfants, ça les rassure et ça fait un monde dans lequel ils peuvent se plonger, où ils se retrouvent. Chacun va trouver son personnage et c'est vraiment extraordinaire parce que une jeune fille a dit tout à l'heure que ça l'avait sauvée, mais c'est vraiment ce qu'on ressent parce qu'ils sont tellement paumés les gosses en ce moment, c'est vraiment pas facile ce qu'on vit. Et donc le manga c'est très important pour eux, quoi. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, je vous remercie, Urvana, pour ce témoignage. Et c'est vrai que dans cette période où la jeunesse a été particulièrement, évidemment, elle a vécu le confinement comme nous tous. Mais après, il y a aussi le fait d'aller à l'école et de porter des masques toute la journée. Moi, je le vois avec mes enfants. Rentrer dans un schéma où on désinfecte toutes les tables, etc. Il faut se tenir éloigné, on peut pas jouer avec ses camarades qui sont dans d'autres classes parce qu'ils ont un coin de cours. Et il faut pas. C'est un truc de dingue. Et c'est vrai que c'est pas un hasard si je pense que le manga qui était déjà vraiment très très prospère avant cette crise, a encore plus servi de soupape à l'évasion et à la liberté parce que effectivement, c'est une période un peu compliquée pour la jeunesse. Et tout à l'heure, Gaspard voulait intervenir de Clap Clap. Donc, allez-y. Pardon. Du coup, je fais référence à un sujet qu'on a abordé il y a déjà 5-10 minutes. Non, on parlait des théories tout à l'heure. Ah oui, si vous me permettez, je dis juste au revoir à Urvana. Avec plaisir. Et je la remercie encore. Et ensuite, on repart avec sur plaisir. Les théories. Merci beaucoup, Urvana. Je vais continuer à dessiner avec les ados. Et merci beaucoup pour cette soirée. Et n'hésitez pas à nous envoyer, pourquoi pas des dessins pour que on les affiche, dans les bureaux de France Inter. Vraiment, ça sera bien. Rendre hommage à Kaoru Mori qui a écrit en fait Bright Story ou Bright Story, je sais pas comment on l'appelle, qui est une jeune mangaka de Tokyo. Et c'est vraiment par ce manga, donc le livre, que j'ai pu commencer à m'intéresser au manga au départ. Voilà. Oui, vous avez lu Bakuman aussi ? Merci. Urvana, vous avez lu Bakuman également ? Non, pas encore, non. Pas celui-là. Il y en a plein. Mais moi, je suis une femme de Corto Maltese du départ de la BD, du monde de la BD. Donc, il y a tellement de choses à lire, c'est énorme. Mais j'ai fait des dessins sur l'attaque des Titans. Je vous enverrai la photo avec, parce qu'on peut faire de la peinture sur verre. Vous savez que les ados font beaucoup de peinture sur verre des mangas. Et ça, c'est une technique extraordinaire aussi qu'on fait ensemble. On apprend à faire ça. C'est super, quoi. Vraiment, je m'éclate. Et bravo, Urvana. Et on attend les dessins. D'accord, super, je vous enverrai ça sans problème. Merci, au revoir. En tout cas, à vous. Alors c'est pas vraiment une théorie, j'aimerais parler de la fin de One Piece en fait. J'ai une question. Attention, là il y a des gens qui sont vigilants, ils vont dire attends, spoiler, s'ils divulguent. Non, justement, je vais rien dire. C'est vraiment le sujet. J'aimerais avoir l'avis en fait de tout le monde autour de la table, parce qu'à titre personnel, je fais partie de ceux qui ont été très déçus de la fin de Naruto Shippuden, très déçus de la fin de Bleach, plutôt déçus de la fin des SNK, je veux pas me faire d'ennemis ici. Et je me demande en fait, mais je vous demande aussi à vous, si à la manière de Luffy qui refuse de savoir où est le One Piece, ce qu'est le One Piece, quand Riley peut lui dire, etc. Je ne veux aucun mal à Eiichiro Oda, évidemment. Est-ce que One Piece n'en sortirait pas gagnant d'être une œuvre inachevée comme Berserk? En fait, ce serait pile dans peut-être la thématique de toute notre vie, on se demandera ce que c'est que le One Piece. Chacun aura sa propre idée, chacun aura son interprétation, et en fait, il y aura presque. On sera très malheureux, évidemment, si Oda un jour n'arrive plus à dessiner, mais voilà. Gaspard, si jamais chaque créateur se met à ne plus terminer ses histoires parce qu'il a peur de la réaction des fans et de la déception, je veux dire. Je suis d'accord. On a déjà un Toronto West Side Story. Oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Je trouvais que One Piece, par rapport à certaines. Je vais faire pareil avec mes spectacles. J'ai trois quarts, je me casse. La fin, j'ai pas envie de vous décevoir. Il y aurait une certaine beauté, je trouve, mais peut-être que personne partage mon avis ici. Je pense que de toute façon la fin va diviser dans tous les cas parce qu'il y a tellement d'attentes autour du One Piece, déjà de qu'est-ce qu'est le One Piece Et dans tous les cas, je pense qu'il y aura le côté des fans hardcore qui vont dire oui à tout parce qu'ils sont fans de One Piece. Et puis les gens qui vont être déçus, mais je pense que les gens qui vont être déçus, c'est plus les haters de One Piece parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'attendent de savoir qu'est-ce que c'est la fin. Et dans tous les cas, ça va râler. Moi, je pense que la fin. De toute façon, je pense qu'on va voir et tout de suite émerger l'adjectif surcoté. Ouais, évidemment. C'est déjà le cas. One Piece, et beaucoup de gens pensent que c'est surcoté déjà. Mais... Après, c'est une problématique aussi des séries très longues comme ça. Ouais. C'est ultra dur de finir une série avec autant de tomes, avec autant d'histoires, avec autant de side stories qui vont être ajoutées au fur et à mesure. Enfin, il y a très peu de gros mangas aujourd'hui qu'on connaît tous. Qui ont des fins qui ont contenté entre guillemets tout le monde en fait. Si on en a pas vraiment, je trouve. J'essaye d'y réfléchir, mais le nouvel Angyonshi. Ah oui. Ah formidable. Ok. Formidable. Mais pas objectif. Si on en a que une, enfin voilà, c'est compliqué. C'est Full Metal Alchemist. Ça fait deux. Full Metal Alchemist, c'est pas si long. Là, je te parle de vraiment des séries qui font plus de 50 tomes, tu vois. Et bien, tu vas avoir des trucs, c'est compliqué. Hein. Rappelons-nous de Full Metal Alchemist. À l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit, justement parce que la fin était différente de l'animé. Oui, c'est vrai. Et que certains préféraient justement la fin de l'animé, de la première série, plutôt que celle du vrai manga. Ouais, je suis d'accord, le premier animé est meilleur que le second. Voilà, et donc du coup, ça crée toujours beaucoup de polémiques, encore aujourd'hui. Et même si on peut dire tout ce qu'on veut sur la série, la qualité de la série, qui est très bonne, il y a toujours ce petit problème de... Il y aura toujours des attentes de fans, et ces attentes de fans, il y aura toujours des déçus. Et c'est un problème qu'on peut retrouver ailleurs avec Game of Thrones en ce moment, avec George R. R. Martin, qui explique qu'il n'a pas été satisfait de la fin, qu'il avait supplié les scénaristes de continuer encore un peu par rapport au canevas qu'il avait. Mmh. Et donc, maintenant, il a devant lui la lourde tâche de terminer une série pour laquelle il y a déjà une grosse partie des gens qui ont l'impression d'avoir vu la fin, mais pas la fin officielle de l'auteur. Enfin, c'est très compliqué quand une adaptation d'une œuvre qui existe sur papier est dépassée par son alter ego fait de chair et de sang, c'est-à-dire une série ou un dessin animé. C'est ce qui s'est passé pour Full Metal Alchemist. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils allaient plus vite que la dessinatrice. Le succès divise toujours, de toute façon. Donc, à partir de là... Ah, ça, c'est une phrase d'Emmanuel Macron, non? Ça aurait pu. C'est parce que là, vous l'avez dit comme c'était. Le succès divise toujours. Mais je suis ensuite polémique. Je fais mon travail de président jusqu'au bout. Ah bah oui, bah non, c'est ça, vous êtes responsable. Parce que le manga, c'est notre projet. Voilà. Pauline Croquet ? Je pense qu'on a... Journaliste au Monde. C'est moi. Je pense qu'on a plusieurs raisons aussi de rester optimiste par rapport à la fin de One Piece. Déjà, Eiichiro Oda, c'est quelqu'un qui est vraiment resté aux manettes de son œuvre, qui est suffisamment effronté et têtu comme ses personnages pour décider de garder le cap sur son histoire. Il a peut-être déçu certains à l'horizon de quelques arcs narratifs, mais de manière globale, les gens sont très contents de suivre One Piece, ils sont toujours épatés par sa qualité à aller revenir en arrière, à distiller des énigmes, à résoudre des mystères 10 ans après. Je me dis quand même que cette personne qui a réussi cette prouesse sur 100 tomes est capable d'avoir suffisamment de cran de terminer et d'assumer la fin de sa série. Et c'est là peut-être l'essentiel, parce qu'il y a aussi le souci parfois des fans qui ont envie de faire l'histoire à la place de l'auteur original. Et moi, j'ai un souci parfois avec ce concept-là. C'est lui le créateur de la série, il choisira une fin, elle nous plaira ou pas. Après, il ne faut pas oublier tous les bons moments qu'on aura passés, le régal qu'on aura eu à avoir suivi One Piece. Mathieu Pinon, journaliste. Alors pour répondre à la question de Gaspard, je pense qu'on apprendra ce qu'est le One Piece parce que c'est comme si on lisait l'île au trésor et qu'on n'allait pas sur l'île au trésor. C'était quelque part, c'est indiqué dans le titre, c'est quelque chose qu'on attend, on l'aura, quitte à être déçu, mais on l'aura. Par contre, je voulais juste faire une très brève parenthèse sur le fait que c'est pas parce qu'un manga est inachevé qu'il en perd forcément des qualités. Et c'est l'intervention d'Ali Badou qui m'a fait penser à ça. Alors, j'ai parlé d'un titre, là, vraiment, on a parlé sur un truc très oldies, un titre qui a 30 ans, qui s'appelle X de Clamp. Ah, X. Oui, évidemment. Et X de Clamp, on attend la fin, hein, depuis 2002. Depuis 2002, on attend les derniers tomes. Seulement, X de Clamp, pour résumer l'histoire aux gens qui nous écoutent ou aux plus jeunes, c'est deux groupes de 7 personnes qui doivent s'affronter et sur la Terre, sachant qu'il y a un groupe qui représente l'humanité et un groupe qui représente la Terre. Et si le groupe A gagne, alors l'humanité survivra, mais la Terre périra. Et si le groupe B gagne, l'humanité sera éradiquée pour que la planète Terre puisse survivre. Et aujourd'hui, en 2021, cette thématique est tellement d'actualité que c'est super qu'on n'ait pas la fin, qu'on ne sache pas quel est le groupe gagnant. Et comme quoi, donc, comme le disait si bien Ibadou, le manga peut apporter des questions philosophiques qui sont totalement d'actualité aujourd'hui. Et voilà, c'était la fin de ma petite parenthèse. C'était une très belle parenthèse. Mais j'aimerais emménager dans votre parenthèse. Ah bah, écoute, vous êtes le bienvenu. Et demain matin, je vais faire des travaux. Voilà, écoutez, on fait ma famille, viens, on va vivre dans la parenthèse. On fait un petit levier ou à Carrez, et puis super, vous êtes le bienvenu. C'est confortable, il y a vraiment bravo. Belle parenthèse. Il y avait un truc. Alexis Orseni, journaliste également, qui veut s'exprimer. Pour revenir un peu, oui, sur ce que disait Pauline tout à l'heure, en fait, ce qui est intéressant avec One Piece, c'est qu'effectivement, ce qui est rassurant, c'est qu'Oda sait depuis le début sa fin et dit qu'il n'a pas changé. Il a aussi dit que le One Piece ne serait pas une récompense métaphorique du style « Bravo, vous avez trouvé l'amitié, c'est vraiment un truc concret ». Donc ça, je pense que ça peut rassurer pas mal de gens qui ont peur d'un truc comme ça. Et après, effectivement, du coup, c'est Jérôme Lachasse de BFM, journaliste de BFM, on a eu un débat là-dessus lors d'une émission et qui disait « C'est aussi très occidental, en fait, de ramener, d'évaluer une œuvre par rapport à sa fin et d'oublier un peu, effectivement, les 20, les 15, 10 années qu'on a passé à la suivre ». Et de tout ramener à la fin en disant « la fin m'a déçu à titre personnel, donc j'efface tout le reste ». Alors qu'on pourrait effectivement se rappeler les bons moments, les années de suivi. Et en plus, dans One Piece, les arcs sont quand même... on peut vraiment suivre une aventure sur une île et revenir juste à cet arc. Donc c'est quand même l'histoire assez... C'est presque une philosophie qu'on peut appliquer au couple, ça, en fait. C'est ça. Faut pas s'arrêter au divorce. Faut pas oublier qu'il y a eu des moments, c'était beau aussi. Au divorce au singulier ou pluriel? Vraisemblablement, Gaspard, vu ce que vous avez dit en début, ça va être divorce au pluriel. Cédric Despopes. Ce qui est intéressant aussi, on parlait d'occidentalité, c'est que c'est aussi très occidental de ramener une œuvre d'art à soi, en fait. C'est vraiment quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout avec les générations Internet et l'accroissement massif des réseaux sociaux. On a ce truc qu'une œuvre doit appartenir à tout un chacun. Mais une œuvre, comme on l'a dit, elle appartient à son auteur, forcément. D'un côté, c'est la rançon de la gloire que tout le monde ait envie de connaître l'histoire, de se l'approprier, de se l'interpréter. Mais il y a cette revers de la médaille, surtout en Occident, j'ai l'impression. On le voit dans les fandoms américains, on le voit beaucoup dans les fandoms européens. On parlait des communautés manga qui s'entre-déchirent des fois sur une théorie, sur une œuvre. Mais je pense qu'il est aussi des fois de bon ton, moi très personnellement, de prendre du recul, de dire « j'aime pas la fin » ou « j'aime la fin ». Mais en même temps, c'est que mon avis. Et façon, j'aurais tendance à dire qu'il est de bon ton de prendre du recul sur en général. Tout. C'est ça, mais bien sûr, c'est ça qu'ils nous disent. On parlait, moi par exemple, j'adore la fin de l'attaque des Titans. Et ce qui m'a horrifié, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un débat en fait. Ce qui m'a plutôt gêné, moi en revanche, c'est qu'au Japon, l'auteur a dû un peu s'excuser que la fin fasse autant polémique et ne plaise pas aux gens. Et je me fais, mais il n'a pas à s'excuser en fait. Il a dit ce qu'il avait à dire. L'œuvre, elle est cohérente selon lui, du début à la fin. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un autre débat et on en discute tous autour d'un verre, autour d'un thé, d'un café. Mais on n'a pas à demander à un auteur de réécrire les choses. Et c'est pareil pour Game of Thrones, que les gens soient déçus de la fin, c'est compréhensible. Parce que ça a été rushé, parce qu'ils n'ont pas eu les personnages qu'ils voulaient à la fin sur le trône. Mais les scénaristes sont eux-mêmes dit on est très content de cette fin. Et je me rappelle qu'un journaliste du nom de Rafik Djoumi disait que dans le dernier épisode... Je vais pas spoiler, mais il y a deux personnages qui parlent et on a l'impression que c'est peut-être les scénaristes qui disent, est-ce que vous pensez que le monde va comprendre ce qu'on a fait comme décision? On dit peut-être dans une dizaine d'années, ils comprendront un peu mieux, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Et il y a aussi ça. Il y a le fait que, forcément, quand la fin de One Piece arrivera, je pense que tout le monde va être ou déçu ou très content. Faudra laisser le temps au temps, faudra laisser les choses se faire. Je pense que quand Dragon Ball s'est fini, il y en a qui étaient pas contents de comment ça finissait de manière un peu il y a un truc tout bête, c'est que Dragon Ball, quand ça a été surexploité et qu'on est passé à Dragon Ball GT, tout le monde disait pique et pendre sur Dragon Ball GT. Ensuite est arrivé Dragon Ball Super, tout le monde a dit mais ça vaut pas Dragon Ball GT. Donc en fait il y a toujours une réévaluation avec le temps de certains personnages. Ici on parlait d'Evangelion. J'ai un dernier exemple qui est pop culture général, c'est Star Wars. Moi je voulais parler de Star Wars, la prélogie les épisodes 1-3 ont été conchés par toute une génération de gens. Récemment il y a un scénariste, Steve Meloni, qui a parlé en fait d'une relecture de La Menace Fantôme qui était vraiment détestée des gens, et il a amené des angles que pas grand monde ne mettait en avant sur des concepts philosophiques que Lucas voulait vraiment amener avec cette trilogie. Et dans un livre d'entretien avec James Cameron, il a expliqué qu'il a été brisé de la réception critique de La Menace Fantôme, qu'il avait beaucoup d'idées. Le concept, par exemple, des midi-chloriens, il avait tout un concept de macros et de micros, d'organismes qui se répondent. Il y avait une synergie avec le cosmos, et que ça l'a tellement plombé, parce que les gens préféraient se moquer de Jar Jar Binks, qui n'est pas un très bon personnage, certes, qu'il a dit, bon, bah, je vais faire ce que les gens veulent, et je vais m'arrêter à un truc très simple. Gaspard ? Après, Fred, toi qui fais de la scène, il y a un truc que tu sais aussi, c'est que il y a ce que tu écris, ce qui te fait marrer toi, et tu testes les vannes le soir, tu testes tes passages, tu testes quand tu mets en scène, quand tu écris ou quand tu joues. Si vous pouviez aussi donner les dates où je joue et le lieu, comme ça... Frédéric Sigrist sera le 28 janvier. Non, il y aura une fin à ce spectacle ou tu comptes partir? Bah non, mais j'ai compris le truc, moi j'arrête avant la fin maintenant. Mais non mais tu vois, sur scène, on a tous viré des vannes, on s'est tous adaptés au public, alors c'est tous les soirs, etc. Parce qu'il y a ce qu'on fait en tant qu'auteur et en tant qu'artiste, et il y a la réception. On peut pas tous les jours se dire, en tout cas en tant que comédien, c'est forcément différent de mangaka ou même réalisateur, on peut pas se dire tous les jours je monte sur scène et tous les jours je suis buté, ma vanne un jour elle passera une fois sur 100, mais tu sais comme moi que t'as pas envie de monter sur scène et d'avoir aucun rire. Et juste pour continuer, je conclue sur Game of Thrones ou certaines œuvres qui m'ont déçu, enfin on parle de Star Wars, je pense que effectivement il y a... on est déçu à titre personnel, parce que c'est pas la fin que j'attends, c'est pas la fin que mon voisin attend, mais bon, lui, il est content. Après, il y a aussi une œuvre qui est qualitative ou pas. Game of Thrones, effectivement, la fin, je la trouve à chier, mais pas parce que c'est pas, mais pas parce que c'est pas le bon mec sur le trône. C'est parce qu'en termes d'écriture, de réalisation, de jeu et tout ça, on n'a pas, sur les saisons 8, 9, 10 ou 7, 8, 9, on n'a pas la qualité des saisons d'avant. Ce ne sont pas, dans mon point de vue... Oui, c'est pas la fin, c'est la manière dont elle a été amenée. Scénaristiquement, on parle de Star Wars, on peut en parler aussi. Vous regardez l'attaque des clones, qui va me dire « c'est un bon film ». Je crois pas que tu passes un très bon moment devant l'attaque des clones, d'un point de vue au-delà des autres. C'est un bon film, c'est un mauvais film. Après, bon, oui, chacun... Oui, mais en même temps, l'attaque des clones, ça a donné Clone Wars, la série animée, qui est sûrement quelque chose, un des meilleurs trucs que l'univers Star Wars a produit ces dernières années. Donc, il y a toujours du bon, il y a toujours du bon. Et là, on a Christophe en ligne au téléphone, qui veut nous parler de quelque chose de complètement différent, qui va sûrement créer une polémique de folie, qui est tout simplement l'adaptation prochaine de One Piece sur Netflix. Partant du principe qu'on a déjà eu il y a peu de temps une adaptation de Cowboy Bebop, et donc voilà. Christophe, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous ce que vous voulez dire sur l'adaptation prochaine de One Piece sur Netflix. Ah non, mais moi c'était juste en une question simplement pour évoquer le passage à la moulinette américaine de produits, enfin voilà, de manga japonais, donc à ces productions américaines, que ce soit sur Netflix ou que ce soit au niveau d'Hollywood. Tout à l'heure, il a été évoqué Gun. Alors Gun, c'est mon manga préféré, clairement. Une grosse œuvre que j'ai pris en pleine figure en 2000. Et puis vraiment, j'ai beaucoup accroché. Ça m'a accroché beaucoup sur le style cyberpunk, après avec la découverte d'Akira, Ghost in the Shell. Et donc aussi après l'adaptation, donc il y a 4-5 ans de ça, je crois, de Ghost in the Shell au cinéma, oui. L'adaptation avec Scarlett, je peux tout jouer, Johansson. Scarlett Johansson, bon, très particulière, qui s'inspire à la fois du manga, mais aussi du dessin animé, Ghost in the Shell standalone complexe. Mais bon, une adaptation assez peu réussie à mon goût. Et puis par contre Gun, qui était plutôt bien réussi. Et là donc dernièrement l'adaptation de Cowboy sur Netflix, qui voilà, enfin reste assez bon, voilà, j'ai pas fini de regarder la série parce que j'ai pas du tout accroché avec un méchant qui est absolument risible, voilà, que je ne trouve absolument pas charismatique. Mais justement, il y a Marie Palot qui veut justement vous donner son point de vue. Moi, je suis assez d'accord sur le massacre de cette fameuse moulinette hollywoodienne, mais les Japonais n'ont pas toujours fait beaucoup mieux aussi. L'attaque des Titans en version live, quand on avait vu le trailer, on était en mode waouh, c'est trop bien fait, c'est une horreur, c'est une purge. En fait, je pense juste que c'est des matériaux qui sont tellement forts, des imaginaires tellement incroyables, tellement précis et qui nous bouleversent tellement, que les voir en version live nous décevra de toute façon, à moins que ce soit une comédie romantique qui demande pas vraiment de gros moyens d'effets spéciaux, etc. On sera toujours déçus. Jérémy Tourza ? Moi, cette volonté d'adapter en version live des mangas ou des animés, ça me fascine. Parce que il y a cette idée que une version live, un film ou une série, c'est qualitativement meilleur parce que c'est du live, alors qu'en fait, ça l'est pas du tout. Mais par contre, je suis pas pour autant d'accord pour dire que c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, je trouve ça vachement intéressant que on ait des nouvelles versions d'une œuvre, une nouvelle vision. Mais le souci, le gros problème de ces adaptations, souvent, c'est qu'en fait, elles ne prennent pas en compte ce qui est bien dans l'œuvre d'origine. Elles vont faire pas mal d'adaptations. Il faut des adaptations, mais c'est toujours sur des choses qui étaient excellentes dans le manga. On a parlé de Cowboy Bebop. Enfin, ils ont Death Note aussi, hein. Et Dragon Ball. Mais en fait, toutes ces œuvres-là, si on pointe ce qui ne va pas, c'est parce qu'en fait, ils ont changé l'ADN complet. Alors qu'on pourrait très bien faire un très bon film Dragon Ball, un très bon film Death Note, ou même quel que soit. Moi, je pense que c'est tout à fait possible, mais il faut prendre l'œuvre avec respect, et c'est très rarement le cas. Mais j'ai quand même espoir pour la version Netflix de One Piece. Alors, j'abonde totalement dans ce sens. Et trop souvent, on pense que c'est parce qu'on change de support que vient le problème ou parce qu'on change de pays. Or, on a eu l'adaptation de Quartier Lointain en France qui montre qu'on est tout à fait capable d'adapter un manga du Japon en film live made in France. Il y a Nicolas Boukrieff à l'heure actuelle qui est en train de Boukrieff, autant pour moi, qui est en train de préparer un Sous un ciel radieux toujours de Taniguchi. J'ai beaucoup d'espoir dedans, donc c'est tout à fait possible. Et donc je pense que One Piece en live par Netflix sera une mauvaise idée parce qu'il va y avoir cette perte d'ADN totalement. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est américain et c'est pas parce que c'est en film live. Et pour bien prouver que c'est pas le problème de changement de support qui fait la perte de qualité, mais bien la trahison de l'œuvre, je citerai seulement le Saint Seiya en 3D. voilà, si vous voyez le moindre rapport entre ce dessin animé et Saint Seiya, vous m'expliquez où il est, parce que moi je ne l'ai toujours pas vu. Donc comme quoi la trahison, c'est ça qui Vittel fait. Alors, il y a quand même eu des bonnes choses sur les adaptations. Je pense notamment à Kingdom, l'animé Kingdom qui a été adapté en film, qui est excellent. Mais également Kenshin le Vagabond. Les films de Gintama sont merveilleux. Mais donc du coup, moi je pense que c'est pas forcément dû au fait que ce soit donc quelque chose qui vient d'un manga, mais je pense que c'est surtout les thèmes. Dès qu'on rentre dans quelque chose de trop futuriste ou de trop fantaisiste, ça commence à être très dur. Quand on rejoint tout ce qu'ils connaissent déjà, donc c'est-à-dire, on va dire, tout ce qui est autour du samouraï, autour des grandes guerres massives des années 1300 ou autre, ils vont tout de suite retrouver leur marque et ils vont créer des très bons films. Je vous invite très sérieusement à aller regarder les trois films qu'ils ont fait sur Kenshin le Vagabond. Oui, qui sont excellents. C'est vrai. Alors, on arrive à la fin de cette nuit manga en direct, mais elle continue avec les podcasts Yamanote, les trois premiers épisodes. J'ai plein de gens à remercier pour cet événement. Clément Nouguier à la réalisation. Cette émission a été préparée par Emma Ferret et Manon Rax. À la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard, Guillaume Roux, Alix Barrois, Jenab Sangaré, Théo Gomes. Pour Internet, Séverine Bastin, Lucille Valérie. Au standard, Tom Malky et Emma Merriot. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne France Inter Twitch. Voilà. Et moi, je vous remercie de votre écoute, de vos appels. Merci les auditeurs, merci les participants. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Et voilà, on continue la soirée avec les podcasts de Yamanote. Merci beaucoup. France Inter.